Bienvenue à tout le monde. Bienvenue après cette pause. Vous êtes à l'aise maintenant, n'est-ce pas? Où est le frère Paul? Je suis là. Mmh. Que ceux qui sont encore dehors entrent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. N'oubliez pas de mettre les téléphones ici pour l'enregistrement. Vous sortez par réflexe, vous partez avec, vous revenez, vous allumez encore. Donc si vous mettez là, on commence. Comment étaient les jeunes quand vous aviez jeûné l'autre jour? Vous étiez trop fatigué? La force. C'était bien, n'est-ce pas? Donc on peut encore prendre le jeûne de 3 jours, non? Donc on prend le jeûne de 3 jours à partir de demain, non? Comme ça, ça va vous introduire jusqu'à dimanche, vous venez encore prier. Mais là, je ne serai plus avec vous parce qu'il rentre demain. Mais on sera en prière avec vous. D'accord, frère. Le jeûne ne vous a pas fatigué, n'est-ce pas? Mais vous étiez fort, n'est-ce pas? Donc, disciplinez-vous dans le jeûne toujours. Donc, j'attends les questions. Posez les questions. Oui, mon cher frère. Donc, la question est dans Genèse. Le verset 26. Oui. Genèse, si quelqu'un ouvrez la Bible. Donc, ok. Donc, je crois que le temps que quelqu'un lise, on s'attend à poser la question. Je crois que c'est la création de l'homme là-bas. Genèse chapitre 1, verset 26. Tu peux t'asseoir là maintenant, tu. Ou bien. Ok. Oui, lis à haute voix. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, oui, selon notre ressemblance, amen, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. C'est fini. Oui, ma question est la suivante, dit, faisons l'homme à notre image. Oui. Donc vous voulez l'explication de ce mot. De quoi? Faisons l'homme à notre image. Le problème, ce qui s'exprime là, c'est le problème du pluriel. Oui. C'est ton problème, n'est-ce pas? Oui. Il comprend quand il te voyait venir depuis. Oui. Donc, si vous lisez la Bible justement, oui. En réalité, c'est parce que dans la première partie, oui. Tout à l'avant qu'on est en pause, j'ai parlé des Père, Fils, Saint-Esprit. Oui. Je vais vous dire d'abord quelque chose avant que vous commenciez. Oui. Chaque verset biblique de votre Bible, je le connais. Je ne les ai pas seulement lus. Ça se trouve ici. Chaque verset. Donc quand vous dites, vous citez un verset pour y aller. Je sais exactement ce que vous voulez dans ce verset. Et les questions que vous voulez poser concernant ce verset. Donc entouré donc, faisons. On va répondre à la question maintenant bibliquement. Je ne dois pas donner mes pensées. On va voir ce que la Bible dit. Donc je veux toute votre attention dans pendant qu'on va parler parce que c'est important. Si vous avez, en fait, ce sont des héritages, comme je t'en ai dit là, les héritages de l'Église catholique. La doctrine de la Trinité. Quand on va quitter ici, dans la suite de l'explication, on sera obligé de passer par Matthieu chapitre 3. Lorsque le Seigneur Jésus est baptisé, on entend une voix qui parle dans le ciel. Et puis on voit l'Esprit descendre sur lui. Ça fait 3, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon cher? Tu m'entends? Oui, je vous entends. Voilà, donc suis-moi doucement et multiplement. Donc la question, c'est sa question. Parce qu'il a dit qu'on veut l'explication. Mais il n'a pas dit, je veux l'explication. Donc ce verset a été questionné par plusieurs. Et il y a donc le porte-parole de la question. Du questionnement. Donc je vais répondre. Maintenant le verset 1 de Genèse chapitre 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit Dieu créa les cieux et la terre. Dans votre version française, C'est écrit Dieu créa les cieux et la terre. Mais en hébreu, c'est écrit Bereshit bara Elohim. En hébreu, c'est écrit comme je dis là, d'accord? Bereshit bara Elohim. Bara. En français, ça fait créer. Bara au singulier. Créer. Bereshit bara Elohim. Bereshit. Bereshit. Au commencement. Bara. Barabo. Créa. Bon, l'ordre n'est pas comme en français. Elohim. Elohim. Elohim. Elohim. Elohim. Elohim. Veut dire les dieux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Non, non, non. Donc, normalement, si on veut traduire bien en français, on devrait écrire au commencement les dieux créèrent les cieux et la terre. C'est un problème qui se trouve maintenant. On dit Bereshit, bara. Bara. Tu peux aller traduire créer. Alors que c'est créer qui est là-bas. C'est-à-dire le sujet est au pluriel. Le verbe est au singulier. C'est un problème. J'arrive, d'accord, mon cher. Donc, normalement, si on veut dire normalement ce qui est normal, on devrait traduire au commencement les dieux créa. Vous voyez qu'en français, ça ne donne pas. Parce qu'on peut dire que les enfants sont allés à l'école. On dit les enfants sont partis. Parce qu'il y a le pluriel. Parce qu'il y a le pluriel. Donc ici on dit Elohim. Elohim. Qui veut dire, donc si on veut traduire en français, ça veut dire les dieux. Mais on dit Elohim. On dit créa. Donc les dieux créa. Mais maintenant tous, sans exception, on traduit par Dieu au singulier. Ça pose problème. Mais quand on va continuer par la suite, on dit que quand il y avait les ténèbres sur la terre, sur la surface de la terre, on dit Dieu dit. On ne dit pas que Elohim dire. Mais quand Elohim veut dire les dieux. On dit, mais Dieu dit, vous lisez en français, Dieu dit. Allah, oui. Que la lumière soit. Donc c'est une personne qui allait parler. Mais on l'appelle les dieux. Pourquoi Elohim est au pluriel? Parce que Elohim. Le singulier c'est Eloha. Quand on met Elohim, ça veut dire les dieux. Donc partout quand vous voyez dans la Bible, par exemple, on dit que les idoles sont les faux dieux. Dans la Bible, on écrit aussi en hébreu Elohim. Donc que ce soit Dieu qui est le grand Dieu, que ce soit les faux dieux, on écrit de la même façon Elohim. Donc quand vous allez dans l'original, vous allez voir partout, on parle que les autres dieux, n'est-ce pas? On écrit toujours Elohim. C'est-à-dire Elohim n'est pas le nom des dieux. Elohim c'est un titre. Comment on dit gouverneur? Ou bien quand on dit roi? Il y a beaucoup de rois. Maintenant quand il a fini de créer, au verset 26, maintenant cette même personne dit créons l'homme à notre image. Non, faisons l'homme à notre image. Donc, faisons l'homme à notre image. Le problème c'est le pluriel encore que cette personne s'utilise. Le verset 27 suivant dit, une fois de plus, que Dieu créa l'homme à son image. On ne dit pas que Dieu créait l'homme à leur image. Après avoir dit au verset 26, nous faisons l'homme à notre image. Lorsqu'on parle comme ça, sur le plan intellectuel normal, sans interprétation doctrinale, on doit d'abord admettre que cette personne qui est en train de parler s'adresse à au moins une personne. Là, on est sur la base de la normalité. Donc, je n'ai aucun passage ni aucune honnêteté pour dire ici que Dieu parle à lui-même. Donc, d'abord, quand on dit faisons, C'est-à-dire que si on regarde la Bible sans avoir aucune autre notion. Quand il dit sortons, prenons une pause. Et que quelqu'un écoute ça pas dans votre enregistrement. La personne entend, je dis, prenons une pause. On entend ma voix dire prenons une pause. Mais la personne n'a pas le renseignement sur celui à qui il sonne Némia. De m'adresser. Ni du nombre de personnes. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc si je dis, prenons une pause. Vous me voyez, je vous vois. Mais vous qui êtes resté dans ce téléphone-ci, quand quelqu'un va entendre, prenons une pause. La seule et unique chose, c'est que il en a de parler, il y a lui, il y a au moins une personne. Quel est le nombre? Il faut maintenant aller chercher ça ailleurs. Si dans un autre enseignement, comme avant-hier, je dis nous sommes 150 ici. Comme c'est à la même personne qui donne la vidéo, aux mêmes personnes qui disent que prenons une pause. On va donc maintenant, en joignant à cela, on dit ok, donc ils s'adressent à ceux-ci, donc ils sont 150. Donc s'ils maintiennent seulement. Ça c'est vraiment beaucoup là maintenant. S'ils maintiennent seulement à ce passage, il n'y a rien qui me dit qu'il s'agit de la Trinité. On dit d'abord que Dieu s'adresse à qui? On reste d'abord tranquille. On avance dans les saintes écritures pour voir ce qu'il en est. Vous êtes d'accord? C'est cette façon qu'il va annoncer. Donc indirectement, on a de poser la question ici. S'il n'y a pas une sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parce que les gens qui sont allés dans la doctrine trinitaire, voulant chercher la Trinité partout, on dit que Dieu au commencement, il s'est concerté avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et on parlait. Pour créer l'homme. Mais le Fils a été engendré à quel moment? Je vous pose la question. Vous qui lisez la Bible, à quel moment le Fils a été engendré? Ah, vous ne lisez pas la Bible. Il dit, vous qui lisez la Bible, à quel moment le Fils a été engendré? Pardon? Le Fils de Dieu. Oui, mon frère. Bon, en fait, comme le Fils de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu mouvait avant la création. Ok, là maintenant, on a un problème. Parce que les gens qui parlent de la Trinité parlent en même temps de l'Esprit, en même temps du Fils. C'est pour ça qu'ils disent qu'ici, c'est trois personnes qui sont en train de parler. Là, ils distinguent l'Esprit du Fils. C'est pour ça qu'ils posent la question spécifiquement sur le Fils. Je repose donc ma question. À quel moment le Fils est engendré? Et mon frère? Est-ce qu'il est menti en Proverbe 8 là? Oui. Proverbe 8, verset 22. Oui. La Bible, il dit ici, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Maintenant, prenez ce verset-là déjà. Ouvrez le Proverbe chapitre 8 là. On va corriger quelque chose là-bas. Ouvrez. Non, ça va, bon frère. Attends, d'abord, ils ouvrent. Moi, oui, t'attends. C'est très bien. C'est le Seigneur qui fait que ça se passe ainsi. Ne bouge pas. Même ton corps ne bouge pas là où tu es. Garde comme ça. Calposter. Donc, vous-même ouvrez votre Bible dans ce Proverbe chapitre 8. Quand vous allez ouvrir, une fois le premier, on va lire, vous allez voir qu'il y a un problème. Proverbe chapitre 8. Le verset 22. Maintenant, quand vous avez ouvert, n'est-ce pas? C'est le verset 22 qui vient citer. Aidez ses frères à prouver proverbe rapidement. À ce rythme-là, on va dormir. Bon. Non, vous n'avez pas la même Bible, donc il ne peut pas trouver ça ainsi. Si vous avez la même Bible, il peut facilement trouver. Ok, maintenant écoutez très attentivement. Maintenant, moi, je vous pose une question. Écoutez-moi bien. Qui de vous aime Jésus ici? Si vous levez, levez la main. Ok, bien. Ok, c'est bon. Maintenant, baissez la main. Je réponds encore la même question concernant Jésus. Qui de vous croit que Jésus est Dieu? Vous levez tous la main une fois de plus. Ok. Vous croyez que Jésus est Dieu? Je pose la question. Qui de vous croit que Dieu s'est créé lui-même? Si Dieu s'est créé. Vous croyez ça? Hein? Est-ce que Dieu s'est créé? Lisez verset 22. Allons-y. Proverbe 8, verset 22. Ouais, maintenant. Lui-même commence à rire déjà, sans nous avoir lu. Oui. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Oui. Avant ses œuvres les plus anciennes. Voilà, maintenant arrêtons-nous là-bas. Bon, quand tu as pris Proverbe 8, 20, c'est pour dire. Parce que là-bas en bas, il dit qu'avant de prier, il jouait sur la surface de la terre, en faisant ses délices auprès de lui, n'est-ce pas? Avant qu'il trace le cercle de la terre, j'étais là. Maintenant, quand tu voulais prendre ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ici, Jésus est en train de parler de lui. Oui. Que Dieu l'a créé avant. Stop! C'est là où je voulais t'en venir. Donc, ça veut dire que Dieu a créé Jésus, n'est-ce pas? Allah a créé Jésus. Qui croit que Dieu a créé Jésus? Moi, je ne crois pas que Dieu a créé Jésus. Tu crois ça? Lève la main. Regarde, celui-là lève la main, il cache comme ça, il le cache. Oui, toi, tu crois que Dieu a créé Jésus? Oui. Comment? Oui. Dieu a créé Jésus. Oui. Et Jésus, c'est qui pour toi? Jésus est qui? Jésus, c'est en dehors de ça. Ah, man, crois-tu qu'il est Dieu? Donc Dieu l'a créé. Comme Dieu a dit que ses serviteurs sont aussi ses serviteurs. Non. Par où ça qu'il a dit? Non, c'est le psaume, chapitre 82. 91, non, pas 91, 82, voilà. Le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Voilà. Vous êtes tous des fils de Dieu très haut. Mais cependant, vous tombez comme les hommes. Bon, il y a un enseignement concernant cela. Donc, ça veut dire que tu es un dieu. Ok, non, regarde ton ancien. Dis, ancien, tu es un dieu. Tu es un dieu. Tourne-toi, regarde la femme là derrière. Dieu lui a fait la même chose, il entend. Allons-y, dis. Essaye d'ouvrir la bouche, tu dis cela, allons-y. En fait, je ne dirais pas une fois. Ah! Non, pourquoi? L'homme est l'image de Dieu, néanmoins ça. Ok. Mais quand il les a créés tous à son image. On dit qu'il le crée, il les créa homme et femme, n'est-ce pas? Donc à l'origine, il a créé l'homme et la femme simultanément. Mais tourne-toi donc, dis, comme tu as dit à celui-ci, qu'il est un Dieu. Dieu, c'est une femme, je vois. Dis alors. Comment? Un faux féminin, qu'on dit quoi? Dis-lui non. Ne posez aucune question jusqu'à ce qu'on développe ceci, d'accord? Pour qu'on ne sorte pas du sujet. Tout le monde dit à une femme que. Dis-lui. Allons-y. Tu crois vraiment ce que tu en as dit, frère? Non, je ne crois pas. Maintenant, je suis en train de dire. Parce que quand l'apôtre Paul dit, par exemple, je vous exhorte, frère, à offrir vos corps. Remarque bien qu'il ne dit pas que je vous exhorte, frère et sœur. Mais est-ce que le message s'adresse seulement aux frères qui sont les hommes? Donc quand il dit frère, il englobe tout le monde. Ok, maintenant, quand la Bible déclare, j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du très haut. Parce que... Mais cependant, vous tombez comme des hommes. Vous mourrez comme un prince quelconque, n'est-ce pas? Ok, l'homme doit normalement mourir comment? Dis-moi comment les hommes doivent mourir et que donc ceux à qui on a s'adressé, mais aussi. Donc vous voyez effectivement qu'une fois de plus, il faut l'explication ici. Il y a tout un enseignement de 2 heures sur ces versets. Vous ne voulez pas dire des appellations dans le Nouveau Testament. C'est le pasteur américain qui s'est amené, ça veut dire que vous êtes un Dieu. Vous êtes un Dieu. Essayez d'appeler ça vous-même. C'est écrit comme ça parce que c'est pour ça qu'il a commencé en hébreu. Vous vous dites quand on dit Dieu, ça veut dire Elohim. Et le problème, c'est que le mot Elohim, peut vouloir du magistrat. Gouverneur. Tu comprends cela? Donc, on dit qu'il y a des endroits où Elohim, dans cette phrase-là, représente Dieu le Créateur. Parce que ce soit le faux Dieu, que ce soit le vrai Dieu, on écrit de la même façon. Mais dans notre langue, en français et en anglais, pour les distinguer, on met grand D. Mais petit D quand il s'agit des autres dieux. Mais quand il dit Dieu, en prononçant, comment sais-tu que c'est le grand? Ou c'est le petit? Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous me suivez? Non. Comme dans le livre de Jean, chapitre 14. Vous allez voir le Seigneur Jésus qui dit, je vous enverrai un consolateur. Le mot qui est écrit par consolateur là-bas, en grec, c'est parakletos. Et parakletos, ça veut en même temps dire consolateur, et avocat. En grec, un même mot peut avoir dit deux choses. Ce n'est pas comme en français. Si tu veux dire maison, tu vas dire maison. Et tu peux dire maison, et maison peut signifier encore table. Mais le grec a ces jeux-là. C'est-à-dire, un même mot peut désigner deux choses différentes. Comme par exemple, je vous ai dit la dernière fois ici, parlant de paroles. Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était là, parole. Mais votre français, c'est parole que c'est écrit. Mais en grec, c'est logos. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans Romains chapitre 10, verset 17, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez? Là maintenant, c'est Réma. Mais c'est traduit, les deux sont traduits par parole, parole dans votre Bible en français. Dans le livre de Luc, ça veut dire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est le livre de Luc. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il dit Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre. C'est ce que le verset 1 dit. De ce que Jésus a commencé à faire. Mais le mot livre que vous avez mis là-bas, dans l'original, c'est logos. C'est vrai dit que si on veut traduire comme on a traduit Jean chapitre 1, verset 1, on devrait dire Théophile. J'ai parlé dans ma première parole. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, ce que le frère a pris dans Luc chapitre, dans Proverbe chapitre 8, verset 22, un problème se trouve là-bas. On dit, l'Éternel m'a créé. Comment, mon frère? Il y a ici dans Colossiens 1, oui. Verset 15. Oui. Il dit ici, il est l'image de Dieu invisible. Oh, j'arrive, ne t'inquiète pas. Le premier de toute la création, on arrive. Maintenant, regardez très attentivement. Dans Proverbe chapitre 8, il dit ne posez pas autre question pour sortir parce que je vous ai dit tous les versets qui concernent cela, je connais, d'accord? Donc je crois que c'est mieux de tourner ici là. Pour répondre à cela. Jésus est le premier de la nouvelle création, pas de toutes les créations comme le maïs et autres là-bas, d'accord? Il est le type de la nouvelle création. D'accord? Pas que Jésus. C'est que dans ce cas, tu vas aller rejoindre et t'aimer les Jéhovah. Qui dit que Dieu a d'abord créé Jésus. Et Jésus maintenant a créé les autres choses. Ce n'est pas la Bible là-bas. Maintenant, je continue ici. Dans Proverbe chapitre 8, verset 22 dit ici. L'Éternel m'a créé. La première de ses œuvres, avant les ses œuvres les plus anciennes. Ouvrez le livre du prophète Michée. Pardon, aidez quelqu'un parce que ça va dire. Ouvrez le livre du prophète Michée. C'est dans le livre du prophète, dans les parties des prophètes. Donc, n'allez pas dans les psaumes. Allez après les psaumes rapidement. Après les psaumes, vous ouvrez Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Lamentation. Vous avancez rapidement. Là-bas. Je vous fais lire quelque chose et puis je vais vous poser la question. Comme vous allez poser cette question, profitez pour noter les passages parce que ça va venir au fur et à mesure. Le frère là, depuis Colossiens chapitre 1, verset 15, mais ici on dit ici. Donc, Michée, vous avez la trouvé. Si vous avez la même Bible, quand vous trouvez la page, donnez directement à celui qui a, comme celui-là, vous avez le même livre, donnez directement la page, comme ça, voilà, vous avez le même livre. Michée chapitre 5, notez cela, Michée chapitre 5. Michée chapitre 5, vous avez trouvé ici. Voilà, maintenant, on va lire à partir du verset 1. Allons-y, mon cher. Michée chapitre 5, le premier verset. Et toi, Bethléem, Ephrata. Petite entre les milliers de Judas. Oui. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Stoppons là-bas. On parle de qui ici? De qui est-ce qu'on parle? On parle de Jésus. Puisque dans Matthieu chapitre 2, Quand les mages vont venir voir Hérode à Jérusalem, quand Hérode va aller voir les scribes et tous les autres sacrificateurs, ils vont demander, est-ce à Bethléem qui devait naître? Ils vont répondre que oui, effectivement, en citant ce passage-ci. N'est-ce pas? Bon, maintenant, on dit donc, ça veut dire que le passage-là se réfère à qui? À Jésus. D'accord? Maintenant, le verset continue en disant que quoi? Et donc, l'origine remonte aux temps anciens. Oui. Au jour de l'éternité. Arrêtons-nous là-bas. Donc l'origine de cette personne-ci, son origine c'est à quel niveau? La personne qui en est venue sur la terre, qu'on va appeler Messie. La prophétie dit de lui qu'il est né quand? Ça remonte dans les temps anciens. C'est-à-dire quoi? Donne-moi quel jour l'éternité commence. Tu ne comprends plus quoi? Comment je comprends plus? C'est écrit devant toi, c'est toi qui as lu. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Le papa, dans son témoignage, dans la première partie, a dit que la voix lui a dit qu'il est né le 15 décembre 1957. Ici, on dit qu'on donne la date de naissance de celui qui arrive. On dit que de toi naîtra pour moi le chef, celui qui gouvernera sur Israël. N'est-ce pas? Donc l'origine remonte au temps ancien, virgule, au jour de l'éternité. J'ai dit donc que tu me donnes le point de départ de l'éternité. Donnez-moi. Donc la date de naissance de celui qui vient. Il est le comment? Commencement. Le commencement commence à quel moment alors? Donc la personne qui vient. Hein? Depuis que Dieu il est là. Ça pose problème maintenant avec Proverbe chapitre 8. Parce que dans Proverbe chapitre 8, cette personne semble dire que Dieu l'a créé. Quand tu dis que la création, il y a un point de départ. Oh, l'éternité n'a pas de comment. Il est l'éternel. Alors comment, s'il est l'éternel, comment l'éternel l'a créé? Le problème non, se trouve donc encore dans votre tradition en français. Je vous ai dit que vous ne posez pas la question, j'ai des questions. Si vous posez des questions, vous pouvez sortir dans tous les sens ici. Alors maintenant, on y va, on arrange la chose. Maintenant, Dans ce livre de Michée, on dit que la personne qui vient pour gouverner sur Israël a pour origine depuis l'éternité. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de commencement. Hébreu chapitre 7 dit de lui, parlant de Melchisedec, qu'il est sans père, sans mère. Maintenant, comme tu dis, maintenant tu as pris Colossiens tout à l'heure, verset chapitre 1. Si tu dis, comment quelqu'un qui n'a pas de. Parce que dans Colossiens, dans Hébreu là, on dit qu'il est sans père, sans mère. Pas vrai? Sans commencement de jour, ni fin de vie. Mais toi, tu veux me parler quelque chose qu'on a dit qu'il est, il est le premier né de toute la création. Toi, tu comprends la création comme un début de la création. Vous voyez cela? Oh, la personne n'a pas d'âge. On l'appelle l'ancien des jours. Pas vrai? Donc maintenant, ça veut dire qu'il faut d'abord comprendre d'abord toutes ces notions-là. Il faut d'abord définir qui il est. Quand vous saisissez ce qu'il est d'abord, les choses qu'on a mises dans le langage biblique, il faut donc maintenant les comprendre ce qu'on veut dire là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, on revient dans Proverbe chapitre 8, verset 22. Il dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Le mot créé là-bas. Puisque j'ai cité au départ ici, le livre de Genèse chapitre 1, qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Si vous lisez l'hébreu, tout à l'heure il dit Bereshit bara Elohim. Donc le mot créé en hébreu c'est bara. Oui, n'est-ce pas? C'est bara. C'est le verbe bara. Mais ici dans le proverbe, ce n'est pas bara qui est écrit. C'est kana. Qui veut dire posséder. Prends ta version, c'est quoi le semeur? Vérifions dans le semeur. On va voir comment dans l'autre version dit, d'accord? Pour voir s'ils ont corrigé celle là-bas. Donc dans 8 secondes, le mot comme on a écrit là-bas, créer, ce n'est pas créer. Parce que Dieu n'a pas créé le Christ. Voilà. Proverbe chapitre 8, il va essayer de lire ici dans ce livre de Proverbe chapitre 8, verset 22, vous vérifiez comment on a écrit ça dans le livre de. Donc normalement, Kana veut dire posséder. Parce que Dieu a toujours possédé la sagesse. Parce que là, si vous regardez à partir du verset 1, vous allez voir qu'on parle de la sagesse. Regardez, attends. Oui, verset 1 du chapitre 8, on parle de la sagesse. Donc la sagesse. Dieu n'a pas créé la sagesse. Et puis à partir de là, la sagesse a commencé à créer. Parce que Dieu est infiniment. Il a été toujours sage. D'accord? Parce que physiquement, dans cette verset-là, ce n'est pas Jésus littéralement qui en a parlé, mais c'est la sagesse qui en a parlé. Et Dieu n'a pas créé la sagesse. Voilà. Alors, verset 22 ici dans la version semaine, oui. Oh, l'Éternel me possédait. Vous avez vu? Tout au début de son acte. Donc, l'Éternel me possédait. Donc, je suis la sagesse qui était en Dieu. Vous avez vu le problème maintenant, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que vous preniez le verset biblique comme si un verset contredit un autre. Il faut plutôt les amener en harmonie par l'Esprit de Dieu. Donc, sinon, vous allez voir maintenant tout à l'heure, vous avez vu comment? Il a dit, Il est l'image de Dieu invisible, le premier de toute la création. Si ça arrête là, c'est comme si Jésus est le premier qu'on a d'abord créé avant tout. Mais il continue comme ça, il va dans Hébreu, au chapitre 17. On dit de cette même personne qu'il a dit commencement de jeûne. Il arrive à Apocalypse chapitre 22. On dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Comment quelqu'un peut être en même temps premier et dernier? Comment expliquez-moi? Si vous êtes dans une salle de classe, on dit premier de la classe, c'est vous. On dit dernier de la classe, c'est vous. La conclusion, c'est combien de personnes il y a dans cette classe? C'est pour dire qu'il est l'unique Dieu. Donc l'alpha et l'oméga veut dire qu'il est l'unique Dieu. En dehors de lui, il n'y a plus personne. Voilà ce que ça veut dire. Parce que vous êtes premier de la classe et dernier de la classe, c'est toujours vous. C'est dans cette salle de classe, vous êtes le seul. C'est pas ça, frère. Voilà. Donc Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Mais maintenant, le problème maintenant, c'est le vrai problème, c'est que c'est Dieu qui est hors dimension a fait place dans la création pour venir au milieu des hommes. Ça, c'est le plus grand des péchés en islam. Que tenter de dire que Dieu est venu parmi les hommes, c'est que ta tête ne tient pas. Grave encore, dit qu'il a un fils. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est ce qu'il a fait. Dieu est tellement grand que même le monde ne peut pas le contenir. Mais pourtant, il est entré dans une chair humaine. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité corporelle, dit la Bible. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs péchés. Ouvrons 1 Jean chapitre 5. Donc, nous avons touché Proverbe, n'est-ce pas? Donc dans votre livre, là, comme vous avez lu la version du second, soulignez créer. Pour votre compréhension future, vous écrivez où vous devriez aussi posséder. L'Éternel m'a possédé, me possédait. Parce que la sagesse a été toujours avec Dieu. Donc la sagesse Dieu n'a pas eu un commencement seul, et la sagesse a un commencement seul. On ne peut pas dissocier la sagesse de Dieu. On peut avancer, mes frères. Il faut que vous aimez tout simplement le Seigneur. Si vous aimez tout simplement le Seigneur, vous allez aimer sa parole. Mais si vous allez à moi, je suis Trinité, je crois qu'il y a un Dieu le Père, Dieu le Seigneur, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'il y a Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'il y a Dieu le Fils. Le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas verser, on a dit qu'il y a Dieu le Saint-Esprit. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça se trouve pas. Donc quand Dieu entre dans son système pour jouer son rôle, ou bien pour jouer un rôle, il a un attribut qu'il a en train de manifester. C'est ça le problème. Donc le problème des attributs. Voulant manifester l'attribut du Sauveur. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 verset 7 que quand il a fini ses œuvres, il s'est reposé. On dit Dieu s'est reposé, frère. Mais la Bible déclare qu'il n'est point un homme qui se fatigue. Alors je veux que vous m'expliquiez quel genre de repos dont il parle. C'est comme Dieu, comme vous allez au champ, vous finissez de travailler. J'ai fini ici, il m'a reposé. Vous croyez que c'est ce que Dieu a fait? Donc Dieu se fatigue, frère. Alors quand vous lisez Dieu se reposa le septième jour. De quoi est-ce qu'il parle? Vous voyez qu'il faut qu'on vous explique ce qu'il en a dit, n'est-ce pas? Quand il est sur la terre, il dit venez à moi vous tous qui êtes quoi? Et je vous donnerai Dieu. Vous êtes venu à Jésus. Dites-moi le repos qu'il vous a donné. Vous a demandé de rester tranquille. Vous voyez que le repos qu'il a dépassé autre chose, n'est-ce pas? Donc c'est pas comme vous couchez comme ça pour vous reposer. J'ai des choses à vous dire. Donc alors la Genèse parle avec le langage de Dieu. Quand la Bible déclare que les ténèbres étaient sur la terre, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous savez qu'on a parlé de Jésus, n'est-ce pas? Qui c'est qui décide de Jésus? On a parlé là-bas. Et on voit cela dans l'évangile. Donc depuis le début, Dieu a prêché l'évangile depuis la Genèse. On avance. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean le chapitre 5. C'est vers la fin là-bas, avant l'Apocalypse. Là. Donc on va aller jusqu'à vers la fin. Je n'ai pas dit Jean chapitre 5, j'ai dit 1 Jean. Qui cherchait à connaître le vrai Dieu? Qui cherche à connaître le vrai Dieu qui est vraiment véritable? Qui cherche à le connaître? Lisons verset 20. Qui va nous dire verset 20? Mon frère qui lit souvent là. 1 Jean chapitre 5. Non, attends d'abord, Père, parce qu'en tant que chacun puisse trouver, je veux que vous lisiez. Ne sommes pas pressés, d'accord? Allons-y maintenant. Verset 20. Écoutez bien. Nous savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Toi qui as lu, dis à l'assemblée qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Allons-y. Qui est le Dieu véritable et la vie éternelle qui cherche? Qui est le Dieu véritable? Non, il n'est pas dit de répéter. Il dit dis-le parce que j'ai posé la question que qui cherche le Dieu véritable? Oui. Vous avez tout le monde a dit oui. Dis-le donc qui est ce Dieu véritable et la vie éternelle. Dis-le. Non, ne relis pas. Oh, tu n'as pas encore compris. Ok, relis d'abord alors avant de le dire. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable. Donc il veut dire que nous sommes sur la bonne fondation, nous avons trouvé la personne. Il dit que nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. N'est-ce pas? En son Fils Jésus-Christ. Oui, et il conclut en disant. C'est lui qui est le Dieu véritable. Lui l'a aimé pour qui? Lui est mis pour Jésus. Ah, Jésus-Christ. On dit donc qui est le vrai, le véritable et la vie éternelle. C'est Jésus qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Non, lis bien ce qui est écrit, de façon que c'est écrit. Allons-y. C'est lui oui. qui est le Dieu véritable. Lui l'a mis pour qui? Lui est mis pour Jésus. Oui, donc ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et Yes, donc qui a trouvé donc le Dieu, le vrai le véritable Dieu, c'est qui? Donc s'il y avait des doutes n'importe où dans les Écritures, là-bas c'est dit de façon directe et claire. Donc si c'est donc lui le Dieu véritable, alors toutes les autres choses qu'on va voir maintenant, on va voir ce sont ses aspects. Et il dit clairement que quand vous êtes dans son fils là, sachez que vous êtes dans le véritable Dieu. L'une des choses qu'on cause avec les musulmans, et c'est ce que la sourate 2, verset 152 à 157, dans le Coran dit que à sa transcendance ne plaise. Dieu n'a pas engendré et ne peut engendrer. Il dit et la chose arrive. En arabe, on parle de kun fayakun. Donc quand Dieu dit que soit Israël, et là dans le Coran, dans ce chapitre 2, ils disent que Dieu n'a pas de fils, qu'eux, ils disent que Jésus, le fils de Marie, est le fils de Dieu. Ils disent donc que les chrétiens mentent en disant cela. Parce qu'eux, ils comprennent. Et ce n'est que la compréhension qu'ils ont, ce n'est que la compréhension que la majorité des chrétiens ont. La majorité des chrétiens, y compris peut-être vous, comprennent que Jésus-Christ est fils de Dieu en croyant que comme c'est un père à un enfant. Et il dit va me faire une course. C'est comme ça que même les chrétiens comprennent. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'ils considèrent Jésus-Christ comme on dit Jésus-Christ fils de Dieu. Ils croient que comme moi j'ai un enfant qui s'appelle Josué. J'ai dit Josué, les gens sont dans le péché. Va les sauver dans leur péché. C'est comme ça que même les chrétiens croient. C'est pour cela que les musulmans sont tombés dans ce piège. Or la terminologie fils de Dieu ne veut pas dire qu'il y a un Dieu quelque part, il y a Dieu ici. Ça ne veut pas dire ça. Ce sont des titres d'une fonction. C'est le titre d'une fonction. C'est ça que vous comprenez. On pas mal. Voilà. Maintenant, quand il va passer devant Bartimée, Bartimée va dire, Bartimée, il va toucher les gens, c'est un aveugle. Bartimée, il entend le bruit qui passe devant lui, il était là pour demander l'argent. Il entend les gens font le bruit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, qui passe là-bas. Il n'a pas dit, Jésus, prophète de Nazareth, aide pitié de moi. Il a dit, Jésus, fils de David. On lui a dit Jésus, le prophète de Nazareth qui passe. C'est un aveugle, il ne lit pas la Torah. Mais il appelle plutôt Jésus, fils de David. C'est un problème, pas vrai? Dans ces cas, comment et pourquoi la Bible l'appelle fils de David? Il y a un problème. Donc, fils de David ne veut pas dire que David a engendré telle personne. Telle personne a engendré telle personne. Et puis, il est sorti de cette lignée. Fils de David, c'est un titre pour signifier qu'il est roi comme David. Donc on dit fils de David, ça veut dire que celui qui est dont David était le type du roi. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Quand on dit de lui, quand vous entendez dire que le fils de l'homme, ça en va selon ce qui est écrit de lui. Fils de l'homme. Vous demandez à quelqu'un que fils de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est l'enfant d'un être humain. C'est qu'il y a un problème là-bas. Parce qu'il n'a pas un père physique. Et tu ne peux pas être le fils de ta mère. Parce que la maman n'engendre pas. C'est un homme qui engendre un enfant. La femme se contente d'accoucher. Dont l'engendrement vient du père. Donc si on l'appelle fils de l'homme, et que vous entendez fils de l'homme, ça veut dire que c'est l'enfant d'un homme. Ok, qui est donc cet homme-là, donc qui est donc il est fils? Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Donc fils de l'homme veut dire prophète. Vous voyez les problèmes que vous avez dans la Bible, n'est-ce pas? Donc il est venu comme fils de l'homme et fils de Dieu. Dans la première venue, il n'était pas venu comme fils de David. Je ne sais pas si vous saisissez. Parce qu'il n'a pas accompli la position de fils de David. Au sortir de son ministère, quand il va mourir, dans Luc chapitre 24, vous lisez Luc chapitre 24, il y a deux chrétiens qui rentrent à Emmaüs. L'un d'eux s'appelle Cléopas. Il fuyait Jérusalem parce qu'il savait que la persécution qui devait arriver. Il partait dans un village. Il rentrait, ils étaient deux à rentrer de marcher. Communiquer entre eux. Subitement, Jésus est venu vers eux. Il a dit, mais de quoi est-ce que vous marchez, vous discutez comme ça, et puis votre visage est triste? Il dit, ta tête ne tient pas. Tu es le seul qui est dans la ville, qui ne sait pas ce qui arrive dans toute la ville. Il fait comme s'il ne comprend pas. Il dit, mais quoi? Il dit ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, le prophète de Nazareth. Il était un prophète puissant devant Dieu et devant les hommes. Comment le sacrificateur ont fait avec lui? Puis il dit une phrase. Il dit qu'on espérait que ce soit lui qui restaurait Israël. Parce qu'il ne comprenait pas que sa venue avait un but précis d'abord. Tout à l'heure, vous avez lu le livre de Michée. On dit de toi sortira pour moi un chef. Vous voyez la façon dont le prophète donne? Qui gouvernera Israël? Oh, il est sorti effectivement de Bethléem, mais il n'a pas gouverné. Mais plus tard, il va venir gouverner. Donc, dans cette prophétie, elle contenue deux dispensations différentes. Il sort vraiment de Bethléem. Il ne viendra plus naître à Bethléem. Les prochains fois qu'il vient, viennent d'en haut. Donc, il y a une prophétie qui doit sortir de là-bas. On n'a pas dit que la prophétie n'explique pas que quand il va sortir, il va continuer sur la terre, aller gouverner. Donc dans cette prophétie, elle contenue l'œuvre qu'il doit faire. Mais on n'a pas dit qu'il sortira, de Bethléem. Le verset ne dit pas qu'il va mourir pour plus tard venir gouverner. On a justement dit qu'il sortira et il gouvernera. C'est pour cela que tous les Juifs, même y compris ses disciples, même dans Actes chapitre 1, ils ont posé la question à Jésus. Mais Seigneur, est-ce en ce temps que tu restaureras le royaume d'Israël? Il dit, ce n'est pas à vous de comprendre le moment ou le temps que le Dieu a fait. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il venait de comprendre là que sa première venue n'était pas pour restaurer le royaume d'Israël. Donc faisons vraiment attention. Alors quand il va venir pour régner à Jérusalem, là maintenant le titre de fils de David va s'accomplir. Parce que dans 2 Samuel chapitre 7, verset 14, quand David a eu la pensée de construire un temple, on a vu ça ici la dernière fois. Quand il a eu la pensée, Dieu a prophétisé le Messie. Il dit que c'est un fils qui sera issu de toi, qui me bâtira une maison stable. Je lui donnerai ton royaume, ton trône. Il s'assiera sur ton trône. Voilà la promesse du Messie. Quelqu'un qui est issu de David, donc David est le type. Il viendra à Jérusalem. En ce moment-là, il sera fils de David. Donc, fils de Dieu, ne veut pas dire qu'il y a un Dieu ici, et Dieu a un enfant ici. Que non. C'est pas ce que ça veut dire. D'accord? Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu est dans une chair. Vous comprenez? Amen. 1 Timothée. Arnaud Timothée. Souvenez-vous de la question de départ. Et nous sommes à Arnaud. Que veut dire faisons-nous? Il dit que nous sommes à. Donc maintenant, si normalement, avant de comprendre que nous sommes dans le véritable en son fils, celui qui est le Dieu véritable, si on avait compris ça normalement, je ne dois plus avancer. Mais il faut qu'on avance pour voir vraiment qui est en train de parler. Vous savez, moi. J'ai lu quel livre déjà là, maintenant là. Quel est le livre que je vous ai dit? 1 Timothée chapitre 3. Voici encore notre problème, donc vous allez corriger votre problème. Ouvre ça ici mon cher, dans ce livre ici, je crois que ici c'est corrigé. Toi tu ne lis pas ici, veux qu'ils lisent d'abord dans leur version. Maintenant, le verset 16 mon cher, le dernier verset. Le verset 16 du chapitre 3. Sans contredire, oui. Le ministère. Non, le mystère. Le mystère de la pitié, de la piété est grand. Mm-hmm. C'est lui qui a été manifesté en chair. Oui. Justifié par l'esprit. Oui. Vu des anges. Oui. Prêché aux gentils. Oui. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Voilà, donc stoppons là-bas. On dit que c'est le mystère de la piété. Si vous regardez dans vos Bibles, dans vos grosses Bibles, on dit le mystère de la piété est grand. Deux points, c'est lui. Entouré, c'est lui. Il veut vous dire quelque chose. Celui qui a été quoi? Manifesté dans la chair, n'est-ce pas? Maintenant, vous qui avez la Bible, ce qui est bleu, la soulevé. Ceux qui ont ceci. Vous regardez tout au bout, ça c'est la Bible, Nouveau Testament bleu de Gédéon. Vous allez voir effectivement qu'on dit c'est traduit d'après Louis II. Louis II. Et ce que vous avez devant vous, c'est toujours Louis II. Mais là-bas chez vous, on a écrit celui qui a été manifesté en chair. Ça n'a pas de sens. C'est lui qui a été manifesté en chair. Maintenant, on va lire, regardez, vérifiez dans votre version. Lisons le même verset. Écoutez comment on va lire. Allons-y. 1, 2, 3. Et tous le reconnaissaient et le reconnaissent. Oui. Le mystère de la piété oui. est grand. Oui. Dieu est apparu comme un homme. Stop. Vous avez entendu comment c'est dit là? Non, là, nous y attend. Continuons la phrase. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Oui. Mais parmi les nations, on a cru en lui dans le monde. Donc quand vous croyez en Jésus, c'est en Dieu que vous croyez qu'il a été venu dans la chair. Il a été élevé dans la gloire. Amen. C'est-à-dire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Celui que vous prêchez, c'est Dieu. Donc on l'appelle fils de Dieu parce qu'il s'est manifesté dans la chair. C'est pour ça que la Bible déclare que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve dans son fils. Donc c'est pour ça qu'il a dit que, ok, comme vous m'avez dit, vous avez péché contre moi. Voici la source de réconciliation. J'ai mis mon nom en lui. Le lieu de rencontre, c'est en lui. Comme le lieu de rencontre sur l'Ancien Testament était à Jérusalem. C'est ça, n'est-ce pas? Donc maintenant, dans le grec, Là, on a écrit celui là-bas. Ce n'est pas Houstos. Là-bas, littéralement, dans le grec. C'est-à-dire que, comme c'est écrit en grec, avant qu'on traduise en français, c'est écrit là-bas Théos. Et Théos, ça veut dire Dieu. Allah. En grec, Théos, c'est Dieu. Et Théos, c'est le grec, c'est le grec, il dit Allah. Bon, si quelqu'un a un manuscrit ici en grec, il a en train d'écrire ici en français. Il voit Théos. Théos. Expliquez-moi comment quelqu'un peut voir Dieu, il écrit autre chose. Je veux que vous m'expliquiez quel est le but. Parce que c'est écrit clairement là-bas que Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, une des choses curieuses de la Bible, c'est le nom prophétique de Jésus. Si vous lisez Ésaïe chapitre 7, le verset 14, on dit voici le signe. La vierge enfant, la vierge va donner naissance à un enfant. Et on lui donnera le nom, à haute voix le nom, Emmanuel. Quand il vient dans le Nouveau Testament, dans Luc, quand il naît, l'ange sort du ciel. Il dit le nom de l'enfant c'est quoi? Et vous me dites, l'ange a dit que le nom de l'enfant c'est quoi? Je vais donc vous montrer un seul verset de la Bible où on l'a appelé Emmanuel. Quand il est né, vous avez posé la question pourquoi? Pourtant, on a dit la vierge enfantera. La vierge enfantée, est-ce que la vierge a finalement enfanté? On lui donnera le nom de Emmanuel. Quand il naît, effectivement, la vierge enfant, l'ange descend que tu lui donneras le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. Yeshua, Dieu sauveur. Allah is known. Maintenant, la question c'est, qui avait dit à Isaïe qu'il s'appellerait Emmanuel? Ou mieux, quand Isaïe disait qu'il s'appellera Emmanuel en langage prophétique, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc vous voyez effectivement qu'il n'est pas en train de donner le nom littéral de cet enfant. Il est en train d'indiquer qui sera cet enfant parce que Emmanuel veut dire Dieu avec. Donc, en clair, Ésaïe chapitre 7, verset 14, on lui dit, une vierge va donner la naissance à un enfant. Et cet enfant sera Dieu au milieu des hommes. C'est ce que Ésaïe a envie de dire. Pas qu'on va l'appeler littéralement Emmanuel. Vous voyez que vous lisez la Bible, il n'y a pas de problème normalement, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas fatigué, vous continuez à parler. Au chapitre 9 d'Ésaïe. C'est qu'il vient citer au chapitre 7. Pourquoi le frère il lit ça? Pourquoi tu lis mon frère? Il est dépassé, il a fermé la Bible déposée comme ça, il dit que continue à parler, c'est lui qui parle. Au chapitre 9 d'Ésaïe maintenant. J'ai cité au chapitre 7. Verset 14. S'il y a un prophète qui a beaucoup parlé de Jésus dans tous les aspects, c'est le prophète Ésaïe. Donc il parle même de sa maman. Il dit qui sera cet enfant à plusieurs endroits de sa prophétie. Au chapitre 9 donc, allons-y mon frère, lisons dans le verset 6. Qu'est-ce que ça dit? On n'est pas encore ouvert. Le temps que tu ouvres, je continue à parler. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, oui. verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Oui. La fermée. Prends le 5, chapitre 9, verset 5, puis avant d'arriver au verset 6. Okay. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On parle de qui ici? On parle de qui frère? Vous ne parlez pas? De Jésus. Il dit car un enfant nous est né. Au chapitre 7, il dit que la vierge va enfanter. Au chapitre 9, on dit que l'enfant est finalement né. N'est-ce pas? C'est la même personne. Nous sommes d'accord. Voilà. Maintenant, continuons. On l'appellera admirable. Oui. Conseiller. Oui. Admirable conseiller. Dieu puissant. Pardon. Dieu puissant. Qui ça? Moi. Jésus. Non, ne dis pas Jésus. Appelle tel qu'on l'a appelé là-bas. L'enfant qui est né. L'enfant qui est né est le. Donc, va l'enfant. D'accord, Ingerman. Parce que quand tu dis Jésus, c'est dans le Nouveau Testament qu'on l'appelle Jésus. Là-bas, on parle de l'enfant. Donc, c'est lui le créateur. Même si le musulman veut déchirer sa soutane, c'est quand même la vérité. Parce qu'on a dit que l'enfant qui est né, c'est Dieu puissant. C'est pas fini. Continuons. Père éternel. Pardon. Père éternel. Qui ça? Donc l'enfant quand il est de quoi? Donc quand tu le voyais jouer dans le sable là, c'est un arrière-grand-père. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Hein? Voilà. Donc maintenant qu'est-ce que vous allez dire là maintenant? Voilà un enfant qui est père sans avoir accouché. Pas n'importe quel père, père éternel. Pas qu'il avait la barbe pour ressembler à un père. On a dit que cet enfant-là, c'est celui qui est l'éternel. Ça va, frère? Mon frère, il bouge. Maintenant, les pieds bougent. Les pieds bougent comme ça. Je continue. Non, non, c'est bon, frère. C'est bon. Je voulais vous montrer ses attributs. Donc, l'enfant qui est né est père éternel. Amen. On ne peut pas faire autrement maintenant. C'est le seul verset que les témoins de Jéhovah n'est pas. Vous ne pouvez pas s'en sortir. Comment vous pouvez changer? Parce que même chez eux, c'est écrit grand Dieu avec grand D. C'est deux choses l'une. Soit Jésus est grand D, Dieu est grand D, au même égalité que grand Dieu. Auquel cas, il y a deux dieux égaux. Et puis au chapitre 45, Dieu lui il dit qu'il est lui unique. Et qu'à côté de lui, il n'y a personne. Et là, on trouve encore une contradiction. Donc les témoins vont avoir des problèmes. C'est pour ça que dans la tradition du monde nouveau, la version du témoin de Jéhovah, il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était un Dieu. Avec un petit dé. Je leur demande souvent que le grand Dieu c'est qui? Ils disent Jéhovah. Il dit celui-ci c'est qui? Il dit Jésus. Donc je dis mon cher, dis-moi, vous avez deux dieux. Un qui est grand et un qui est petit. Il dit non, mais c'est pas ce qui est écrit, oui ou non, parce qu'il y a un grand D ici, un petit D ici. Donc les témoins de Jéhovah sont en deux dieux. Mais il continue dans ce même genre. Jésus lui dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc il faut que les témoins vont encore là-bas enlever le petit dé, même le grand dé, pour que ça soit même. Auquel cas il revient qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Pour que ça soit un. Sinon ils ont deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu dit qu'en dehors de lui, il n'y a personne. Il ouvre sa bouche, il dit qu'à la création, personne n'a été avec lui. Que toutes ces choses, c'est lui qui les a faites. Et nul n'a été avec lui. Il ne connaît point de Dieu. Il ne donnera pas sa gloire à un homme. Mais on a lu clairement ici que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il n'y a pas deux vies éternelles. Dieu n'a pas sa part de vie éternelle. Jésus n'a pas sa part de vie éternelle. Parce qu'il y a des gens qui prient, disent que s'ils ne prient pas, peut-être qu'ils peuvent prier comme ça, Jésus appelle le Père, c'est fâche. Ils prient un peu pour Jésus. Ils prient un peu pour Père. Après, ils prient un peu pour le Saint-Esprit. Pour que personne ne se fâche. Vous devez connaître celui qui vous servait. Vous comprenez? Voilà. Quand Étienne a été en train de lapider, quand il s'est prosterné, il a vu le Dieu. Il n'a pas dit Père, reçois mon esprit. Il a dit Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Parce que c'est Jésus qui reçoit les esprits. C'est lui le Père des esprits. Amen. Quand Thomas l'a vu, il dit viens. Mets tes mains ici. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Allah. Maintenant, déjà, laisse que ça bouge dedans bien, papa. Laisse ça bouge, d'accord? Cherchez une bouteille de vous lui amener. Parce qu'il faut qu'il continue. Tu vois ici la vie de Dieu, celui qui pèse contre le Père, oui, et le Fils a le pardon. Oui. Mais celui qui pèse contre le Saint-Esprit n'a pas le pardon. Donc, ok, non, je vais arriver. Il y a encore une explication sur le blasphème du Saint-Esprit. Donc, d'après lui, le Saint-Esprit est plus méchant que le Père et le Fils. Non, on arrive. On arrive. Oui. Donc, toutes ces choses de la Bible doivent être arrangées. Je vous aime parce que vous êtes réceptif à la parole. Même si ça vous couille. au niveau du baptême. J'ai confié au Seigneur que ça va faire sa place. Ça va faire sa place. Bon, j'avance. Alors maintenant, regardez. Lorsque vous regardez bien Jésus, vous allez voir que les choses qui se disent sur lui aujourd'hui ont même été prophétisées. Dans Luc chapitre 1, quand il va naître, au chapitre 2, un prophète va venir le porter. Siméon va porter l'enfant. Il regarde Marie. Il dit, cet enfant est destiné à amener le chute de plusieurs. Donc plusieurs vont chuter. Ça sera un pluie d'achoppement. Il va faire que d'autres personnes chutent. Il va se révéler à d'autres personnes. C'est ce que Jésus fait aujourd'hui. Il est la pierre de chute. La personne qui est le rocher protecteur, c'est le même rocher qui tombe sur les gens pour les écraser. Donc, quand il se révèle à toi, il devient ton rocher protecteur. Quand tu viens, tu amènes la théologie. Il te conduit à les bosses. La même pierre. On dit que c'est le pied de langue. Aujourd'hui, il a posé la question, non? Il dit qu'il y avait un monsieur qui avait un champ, il a donné à aux gens de faire telle chose. Après autant de ramasser, il envoie les serviteurs qui allaient demander le truc. Ils ont chicoté. Après, il envoie encore, il chicote. Après, subitement, ils envoient son fils. Donc, quand ils vont voir mon fils, ils vont craindre. Il les donne des paraboles de leur vie pour qu'ils comprennent ce qu'il veut dire. Et après, il dit qu'ils ont pris le fils, voici l'héritier, crucifions-le. Ils ont tué son fils parce qu'il était l'héritier. Après, Jésus dit, vous pensez que qu'est-ce que le maître de la moisson va venir faire aux gens-là? Eux-mêmes, ils ont répondu qu'ils vont détruire ces gens-là et affirmer les mines à ces gens-là. Ils ne savent pas que c'est d'eux que Jésus parlait. Puis Jésus dit, n'avez-vous pas lu ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. La Bible déclare qu'ils ont compris que c'est de l'autre côté. Jésus est la pierre angulaire, la pierre de l'angle, la pierre de fait, mais qui fait du mal aux gens. C'est lui seul qui le fait. Il dit, Seigneur, Père du ciel, il te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et de ce que tu les as révélées aux enfants. Il dit, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu l'as voulu ainsi. Vous séchez Dieu dans les intelligences, il ne le fera pas se révéler là-bas aux enfants. Puis, il tourne ses disciples, avec ses disciples. Il dit, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume. Mais à ceux de l'extérieur, tout leur est dit en parabole. Afin qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas. Donc Dieu a décidé d'ouvrir l'intelligence de certains qui comprennent qui est Jésus. À d'autres, ferme. Amen. C'est pour cela, quand vous avez la révélation de qui est Jésus, vous devez être reconnaissant au Seigneur. Puisque malgré que quelqu'un va lire Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle, il va dire que jusque-là, il faut qu'il cherche pour ce que ça dise autrement. C'est la vérité. Amen. Et si vous fermez toute la Bible, ça vous embrouille. Il y a un livre qui est consacré à sa révélation, le livre de l'Apocalypse. Le verset 1 dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. Révélation de Jésus. Donc on dévoile Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 16, il dit que si nous connaissions Christ dans la chair, maintenant, on ne le connaissait plus comme ça. Parce que le Jésus qui marchait sur la terre comme ça, maintenant qu'il est mort et ressuscité, ce n'est plus lui. Parce que quand il vient à Patmos, il dépose tes pieds, sa tête se trouve dans le soleil. Vous avez vu un enfant comme ça sur la terre, mon frère? Sur la terre, il y avait le même taille comme les hommes. Mais là-bas, quand il dépose sa main, son pied, sa tête se trouve dans le soleil. Dans le temps, il a même grandi. Hein? Pas vrai? Donc ce n'est plus lui. Ce n'est plus de cette façon qu'on le connaît. Alors ça veut dire que son dévoilement se trouve dans l'Apocalypse. Et il se révèle là-bas comme celui qui est, qui était et qui vient. Celui donc qui était mort et qui est vivant pour l'éternité. Le Dieu Tout-Puissant. Donc ça vous a pris n'importe où. Apocalypse dit lui qu'il est Dieu, notre créateur. Il finit au chapitre 22, à partir du verset 11. Il dit, moi Jésus, au verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces jours dans les églises. Je suis le lion de la tribu de Judas. Vous voyez ça? Le lion de la tribu de Judas. Il dit, je suis, c'est moi qui envoie mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Mais voici un problème. Dans Apocalypse chapitre 1, la Bible déclare que c'est lui qui s'est présenté là-bas avec cette étoile dans ses mains. Quand Jean l'a vu, il est tombé à ses pieds comme mort. Pourtant, quand il était sur la terre, Jean s'est couché sur sa poitrine. Juste à ce qu'on flattait comme celui que Dieu aime. Dis-nous qui va te livrer. Les disciples disaient à Jean que flatte le maître. Qui te dit qu'il va te livrer. Comme ça, on le tape en roulant le dessus. Comme ça, il ne livre pas le maître. Donc, Jean s'est couché sur sa poitrine. Mais ici, à Patmos, quand il se tenait, ce même Jean l'a vu tomber à ses pieds comme mort. Parce que c'est un peu la même personne. La dimension humaine avait déjà fait place à la divinité. Vous savez, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit maintenant dans sa bouche, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie. C'est Jésus qui parle. Maintenant, quand il écrit, dans chacune de ces lettres, il finit par que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Mais quoi que c'était Jésus qui parlait? Oui. Mais il dit que qui dit? Qui a dit, écrit et envoie. Il dit que celui qui a besoin en tant que c'est que qui dit. Donc le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, ouvrez. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Tous, vous savez que Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Et qu'on doit l'adorer en esprit. N'est-ce pas? Maintenant, regardez. Notez 2 Corinthiens chapitre 3. Il y a dit 2 Corinthiens chapitre 3. Vous êtes là, hein? Notez Jean 4, 24. Les trois versets, vous devez les mettre dans une parenthèse ensemble. Parce que ça se lit ensemble. Donc vous notez 2 Corinthiens chapitre 3. Les versets 16 et 17. Vous notez Jean 4, 24. Vous y êtes. Puis vous notez Éphésiens chapitre 4. Verset 4. Voilà. Maintenant, je commence par citer Éphésiens chapitre 4. Verset 4. Voici pourquoi il vous a donné les 5 minutes de pause pour que vous enseigniez la tête. Pourquoi pomme? Vous êtes bien essayé de dégager les jambes, non? Donc, dans Éphésiens chapitre 4, il est dit qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul esprit. Donc, il n'y a pas deux styles de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seul, et Dieu Esprit est seul. Il n'y a pas ça, il y a l'Esprit. Et dans l'Apocalypse, on dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas un style d'esprit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans Jean 4, 24, la Bible déclare Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent, vont l'adorer aussi en esprit. Donc Dieu est esprit. Vous êtes d'accord? 2 Corinthiens chapitre 3. D'abord, Corinthiens chapitre 3. Allons-y. Verset 16. Écoutez très attentivement. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. Oui. 16 à 17. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oui. Non, rentre au parti verset 15. Allons-y, verset 30, verset 15 jusqu'au verset 16. 15. Écoutez bien. Jusqu'à ce jour. Oui. Quand on lit Moïse, oui. Un voile est jeté sur leur cœur. Oui. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, stop, stoppons d'abord là-bas. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, on parle de qui comme Seigneur? De qui? De Jésus. Parce que nous croyons au Seigneur Jésus. N'est-ce pas? On dit donc que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Allons-y. Or, oui. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Pardon. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Apocalypse, on le voit effectivement. Il se présente. Après, quand on écrit, on dit que c'est l'Esprit qui parle. Et on dit que Dieu est Esprit. Donc Dieu est Esprit, Dieu est Seigneur. Dieu est Jésus. Allah est Jésus. Dans ce dit Saint-Esprit, vous parlez de Jésus. Ton comme on Jésus. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, c'est bon mon frère, merci. Dans chapitre 9, il se présente à l'apôtre Paul dans cette boule de feu là. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Il dit que qu'est-ce qu'il doit faire, Seigneur? Lève-toi. Et va dans la ville. On te dit ce que tu dois faire. Il entre dans son ministère, il travaille. Dans le chapitre 13, il se trouve en Antioche. Nous avons lu ça hier. On dit par là qu'il servait le Seigneur dans le ministère. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Qui avait appelé Saul? Moi, on est Saul. Jésus. Mais le Saint-Esprit dit que c'est le feu dans lequel je les ai appelés. Le Saint-Esprit ne parle pas d'une autre personne. Il dit que c'est moi qui les ai appelés. Mais littéralement, on voit sur la route la personne se présenter comme étant Jésus. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Dans Jean 14, quand il était devant un parlant de paraclet, il a dit que je ne vous laisserai pas au fenêtre. Je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous. Je serai en vous. Amen. Voilà. Amen. Vous avez lu ça dans votre Bible? Oui. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'autre lui a posé la question. Dieu nous dit Père. Dieu nous montre le Père et cela nous. Il a encore regardé comme ça. Et dis-toi là. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Comment tu dis montre-nous le Père? Comprenez cela, frère? Non, Famadou. Dans 1 Timothée chapitre 6, la Bible déclare que c'est lui seul qui habite une lumière inaccessible, qui possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible, que l'œil n'a vu et ne peut voir. Ézéchiel l'avait vu en vision. Il a vu assis sur ce trône là. Son corps en haut était comme celui d'un homme. Il est sorti de la lumière. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Oui, voilà. Mais le Fils de Dieu, qui est dans le sein du Père, il est sorti là-bas. On dit qu'il est l'image de Dieu invisible. Okay. Est-ce que vous voyez Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Personne, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, vous pouvez vous surprendre maintenant. Quelqu'un lève la main, je lui pose une question. Celui qui est trop courageux, lève la main. Toi, tu es courageux, frère. Ok, lève-toi. Écoutez très bien la question. Est-ce que tu m'as déjà vu? Moi aussi. Je ne t'ai pas vu. C'est maintenant que je te vois. Donc, tu es sûr que tu me vois? Oui. Donc, tu es sûr que tu me vois? Ah, putain, comment tu vas dire physiquement? Comment commencer à vous dire physiquement alors? Vous commencez à définir. J'ai dit voir. Parce qu'il a dit, il dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais vous regardez dans l'ancien testament, vous allez voir effectivement qu'Abraham l'a rencontré. Jacob a rencontré sa bagarre même avec lui. N'est-ce pas? C'est pas ça, mes frères. Moïse l'a vu. Face à face qu'il a mangé avec lui. Avec les 70. Mais jusque-là, ce n'était pas le véritable Dieu. Alors je pose la question. Moi. L'homme appelé Junior, tu m'as déjà vu? On a mis Junior à Yamna. C'est maintenant que je te vois. Vraiment? C'est maintenant que je te vois. Moi, je suis qui? Minimalati, moi. Tu es une représentation d'homme devant moi. Donc, c'est facile une représentation d'homme que tu as de voir. Oui. Mais le vrai homme, tu ne peux jamais voir. Et Kadi, vais t'asseoir, frère. Parce que l'homme n'est pas chair. L'homme est esprit. C'est cet esprit qui est créé à l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 dit que cette tente dans laquelle nous habitons, dont nous habitons dans cette tente, si cette tente est détruite, nous avons une autre qui n'est pas de cette création. Vous voyez? Donc c'est que tu dis que tu vois que c'est comme moi, c'est pas moi. Je suis enveloppé dedans. C'est ça le fait que Jésus-Christ est une pierre d'achoppement. Parce que le Père était enveloppé en lui pour se rendre visible. Maintenant, si je meurs maintenant et que je tombe là, je me couche là, vous allez venir à côté de la chèque. Ouais, il est mort, il est mort. Si quelqu'un ouvre les yeux de quelqu'un, il va voir la même personne se tenir devant et regarder son corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vos yeux voient le physique. Il faut un autre style d'œil pour voir dans l'autre dimension. L'homme est tridimensionnel. Pour que tu vois l'autre être de l'équipe à l'intérieur, il faut que tu sois dans la dimension de cela. Tu comprends? Hein? Ok, maintenant, dans 1 Corinthiens, dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a pour désir de créer l'homme à son, de faire l'homme à son image. Et Dieu est esprit. Donc quand il parle de quoi? Quand il faisons en notre image, il parle de quoi? De quel style d'homme? Esprit. Le verset 27 donc dit, Dieu créa l'homme à son image. C'est ça qu'il a créé, frère. Parce que Dieu n'est pas poussière. Tu vois cela? Dieu n'est pas poussière. C'est celui qui est à l'intérieur dont on parle. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Maintenant, chapitre 2, il donne l'ordre à cet ordre, à cet homme-ci qui est à l'intérieur de dominer. Ce n'est pas à celui-ci qu'il a dit de dominer. Parce que tu ne peux pas dominer charnellement. Tu ne peux pas. Parce que la chair a ses limites. Mais en esprit, quand tu es en esprit, tu peux dominer. Là, c'est celui qui est spirituel qui domine sur la chair. Et si vous n'êtes pas spirituel, on parle de l'homme animal. Donc vous n'êtes pas différent des autres animaux. Cette différence, c'est que vous réfléchissez mieux. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Alors, dans le chapitre 2, donc, on dit Dieu prit la poussière de la terre. Il forma l'homme. Vous avez le mot? Forma. Mais avant, il avait créé. Il a créé l'homme esprit. Il a formé cette forme que vous voyez. Il a pris cet esprit-là pour placer à l'intérieur. On est devenu maintenant une âme vivante. Pour qu'on puisse vivre ça dans cette dimension. Vous avez maintenant compris, frère. Alors, c'est ce que Christ a fait. Dans Hébreux chapitre 2, la Bible déclare, il dit, puisque les fils ont pas au sang et à la chair, il y a lui-même participé afin de délivrer. Donc de la même façon comme ses fils qu'il avait créés. On prie pas à la chair et au sang. Lui-même est venu dans une chair même comme ça aussi. Pour pouvoir le délivrer, qu'il puisse sortir de ces chairs-là. Parce que tant qu'ils sont dans ces chairs-là, ils sont tous les jours maintenus par l'empereur et la mort. Vous êtes ici, n'est-ce pas? Ok. Et on peut avancer. Donc le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et depuis qu'on a dû le voir, on a vu d'abord un qui est le Père. On veut le voir dans l'Apocalypse et ici, dans que lui, il est l'Esprit. Et il n'y a qu'un seul Esprit. Romains 4, 4 dit qu'il n'y a qu'un seul Esprit. Donc quand on dit Dieu est esprit et le Seigneur c'est l'esprit, et que chacun entend ce que l'esprit dit à l'église, on parle du même esprit. Romains chapitre 8, on va lire cela maintenant, on va voir quelque chose avant que je revienne à cette question. Votre cœur, vous êtes en joie, mais vous saisissez quand même, non? Que Dieu bénisse votre cœur, bénisse votre entendement. Romains chapitre 8. Romains 4, Dieu t'a dit. Vous y êtes déjà. On veut t'indermer en timi. Romains chapitre 8. Romains 4, Dieu t'a dit. Versets 9 et 10. Donc quand tu vas lire, il va te faire 10 stop chaque fois, d'accord? Allons-y. Versets 9 et 10. Aïe, Dieu n'aïe. 9. Aïe, Dieu n'aïe. Pour vous. Dieu m'auront. Vous ne vivez pas selon la chair. Oui. Mais selon l'esprit. Oui. Oui. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Stop. Voilà. Maintenant, il dit la condition que vous vivez, non selon la chair, c'est que vous vivez selon quoi? Mais quelle est la condition pour que vous puissiez vivre selon l'Esprit? D'après ce verset, Il faut que qu'est-ce qui habite en vous? Il faut que qu'est-ce qui habite en vous? L'esprit de Dieu. Okay. Maintenant, je veux que quelqu'un se lève la main. Qui a reçu l'esprit de Dieu ici? Dans ce sens, qui a reçu l'esprit de Dieu? Donc vous qui avez la main levée, vous avez reçu l'esprit de Dieu. C'est ça? Continuons le verset. Écoutez. Continue mon frère, continue. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Stop. Je veux que quelqu'un me lève la main. Qui ici a l'esprit de Christ? Donc, ok, baissez la main. Quels sont ceux qui ont l'esprit de Dieu? Plutôt l'esprit de Dieu, comme on a dit au début là. Quels sont ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu? Ah. Mais la main encore diminue cette fois-ci. Les premières personnes qui ont levé la main là ont encore baissé la main comme moi. Suivez attentivement, je veux vous faire comprendre quelque chose. Il a dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en. Je vais poser la question, qui sont ceux ici qui ont reçu l'esprit de Dieu? Comment tu nous? Tu es beaucoup, mon frère. Lève ta part individuellement. Parce que celui-ci n'a pas levé. Ok. Donc, vous qui avez la main debout, vous avez reçu l'esprit de Dieu. Maintenant, baissez. On dit maintenant que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, maintenant, quels sont ceux qui ont l'esprit de Christ? Non, comment on pose la question? Non, je pose la question, je vais avancer. Si vous avez l'esprit de Christ, levez seulement la main, on va avancer. Donc, si je comprends bien. Papa a l'esprit de Dieu, mais il n'a pas l'esprit de Christ. Attendez, écoutez. Non, on ne comprend pas l'enseignement. Ne riez pas. Dieu est esprit. Hein? Je reçu son esprit. Amen. Maintenant, il faut que j'aie l'esprit de Christ, oui. Le comportement de Christ. Non, on parle de l'esprit, on parle de comportement. Il y a comportement à part. Mais pourquoi tu m'as dit qu'on a parlé de l'esprit de Dieu? Pourquoi tu n'as pas dit le comportement de Dieu? Non, mais je ne comprends pas l'enseignement. En tout cas, regardez, je suis en train de vous amener quelque part. Je suis en train de juger ton esprit. Donc écoutez très attentivement. Est-ce que c'est moi qui écris ce que vous lisez là-bas? Puisqu'on dit que les mêmes personnes à qui on a de parler, c'est tous les choses qu'on a dit, on est en train de parler aux mêmes personnes. On dit que vous marchez non selon la chair, mais selon l'esprit. On dit à vous. Si du moins vous avez reçu l'esprit de Dieu. Puis il dit maintenant que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qui appartient à Jésus ici? Tout le monde lève la main. Baissez la main. Qui a reçu l'esprit de Christ ici? Les mains diminuent. Ok, maintenant baissez la main. Qui a l'esprit de Dieu? Bon, je veux qu'une personne qui a l'esprit de Dieu vienne se tenir ici. Parce que c'est à lui que je pose la question. En fait, si, il fait comme ça pour que vous compreniez ce qu'on a envie de dire. Celui qui a levé la main, qui a l'esprit de Dieu, vient ici. Voilà, le frère qui a la Bible, il dit qu'il a l'esprit de Dieu. Bon, tu as l'esprit de Dieu. Bon, et l'esprit de Christ, tu l'as. Ah non, c'est bon, c'est que tu es un bon type. Alors, dis-nous, quand est-ce que tu as reçu l'esprit de Dieu? J'ai reçu l'esprit de Dieu quand je me suis placé demandant à Dieu de me donner son esprit. Et il t'a donné? Oui. Et l'esprit de Christ? L'esprit de Christ. Tel que Christ a servi Dieu, oui. Je le sers dans l'esprit de Christ. Non, attends. Il ne m'a pas dit que tu sais Dieu comment. Il n'a pas dit que tu sais Dieu comment. Il dit comment tu as reçu l'esprit de Dieu. Tu m'as expliqué. Oui. Il n'a pas demandé que tu sais Christ comment. Servir que c'est une chose. Avoir son esprit. On dit qu'avoir. Oui. Colossiens 1, 27 dit... Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, n'est-ce pas? Mm-hmm. Christ est-il en toi? Dis-nous comment son esprit est entré. Christ est en moi par cet esprit de Dieu. Ok, donc ça fait combien d'esprits? L'esprit. Donc en fait, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de Christ et l'esprit de Dieu. Voilà. Donc finalement, tu as l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Qui en même temps l'esprit de Christ ou bien l'esprit de Christ arrive? L'esprit de Christ, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Applaudissez pour lui. Va t'asseoir. Et c'est ce que le verset 6 veut même dire. Donc n'aie pas peur, d'accord, les anciens. N'aie pas peur. Voilà. Lève ta frère. Le verset n'est pas fini. Donc on va encore recommencer. Là, on a encore commencé. Verset 9 encore. Allons-y. Surveillez. Pour vous. Pour vous. Oui. Vous ne vivez pas selon la chair. Oui. Mais selon l'esprit. On galaye de coup de cousel bando ama fort de roue. Oui. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, oui. Il ne lui appartient pas. Après, il va continuer. Et si donc, Christ est en vous, est en vous avez vu que Christ, vous avez que c'est pas un comportement, non? On dit qu'il vous avez vu que c'est pas un service, n'est-ce pas? On a dit littéralement un. Oui, là, le mérite Almasiou donne. Oui. Le corps. Andermon. Est vrai. Oui. Est mort. Est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie. À cause de la justice. Amen. Mais vous asseoir. Donc vous voyez que ici, dans ce passage seulement, on cite l'esprit de Dieu. On cite l'esprit de Christ. On cite Christ. Vous avez remarqué? Maintenant, moi, je vous pose une autre question. Celui qui a reçu le Saint-Esprit ici s'élève. On m'a dit que le roux. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vais encore prendre une personne. Jordan. Toi, toujours qui as eu l'esprit de Dieu, te le viens. On m'a dit que le roux. Puisque c'est lui qui est notre exemple. Il nous a expliqué qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. Qu'il a, l'esprit, qu'il a finalement compris que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Mais il a posé la question sur le Saint-Esprit. Lui-même, encore, c'est encore levé. Quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? En fait, le Saint-Esprit, oui. C'est l'Esprit pur. Oui. L'Esprit qui n'accepte ni tâche ni impureté. Oui. Alors, autant que je suis un homme, oui. Je suis pécheur, oui. J'ai d'abord fait mal. Oui. Et je suis resté privé de la grâce de Dieu. Oui. Depuis ce jour où j'ai cru, oui. Il m'a fallu entrer dans cette grâce à demander à Dieu de me donner son esprit. Oui. Et surtout cet esprit saint. Oui. Donc attends, ça veut dire que Dieu a donné son esprit. Il tu l'as donné même le Saint-Esprit. Maintenant, il a encore donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit. Oui. C'est l'Esprit de Christ. Ah, ok. Donc, le Saint-Esprit dont on parle là, c'est ce qu'on appelle l'Esprit de Christ. Oui. Appelez ça encore pour lui. Toi, t'assois, mon frère. Voilà. Donc, en fait, vous voyez que la Bible appelle la même personne de différentes façons. Parce qu'à la base, on dit qu'il n'y a qu'un seul esprit. Et cet esprit-là, on peut l'appeler l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, ou bien Christ, ou bien le Saint-Esprit. Sinon, vous avez au moins 4 esprits que vous avez reçus. C'est-à-dire, quand vous êtes debout comme ça, vous avez votre esprit et peut-être un démon. Ça fait 2 qui collaborent. Et puis l'esprit de Dieu, ça fait 3. Et puis l'esprit de Christ, ça fait 4. Et puis Christ, ça fait 5. Et le Saint-Esprit, ça fait 6. C'est que vous avez même marché comme ça là. Mais maintenant, on reçoit l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu est appelé Saint-Esprit. Saint-Esprit parce que l'Esprit est saint. Dieu est saint. Vous avez maintenant compris? Donc en fin de compte, vous comprenez donc que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc quand vous dites Seigneur Jésus, vous avez parlé de l'Esprit. Et le Père est esprit. Parce que c'était lui qui était là dans le Seigneur. Donc il n'y a pas 2 dieux. Il n'y en a pas 3. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de division. C'est la même personne qui est appelée différemment. Vous avez bien saisi? Voilà. Maintenant, allons dans Matthieu chapitre 13. Notez Matthieu chapitre 13. Et puis vous ouvrez. Non, notez Matthieu chapitre 13. On va y revenir. Les 3 passages, les 3 versets que je vais dire maintenant, notez-les ensemble comme vous avez fait pour Romains et au-delà. Donc vous les mettez entre parenthèses parce que ces versets que je vais dire maintenant vont ensemble parce qu'il va développer un sujet concernant cela. Donc notez Matthieu chapitre 13, Colossiens chapitre 1 et Genèse chapitre 1 ensemble. Je vais dire quelque chose. Colossiens chapitre 1. Là où tu as dit aujourd'hui, c'est là où on en est allé. Matthieu chapitre 13. Je vais venir avec le verset. Colossiens chapitre 1. Donc, Matthieu chapitre 13. Colossiens chapitre 1. J'ai fait exprès de ne pas donner le verset. Vous ne regardez pas encore. Genèse chapitre 1. Oui. Quand vous avez fini de noter, je vous pose une question. Tous ceux qui croient que c'est Dieu qui les a créés se lèvent. Ben, quand on nous dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit Levez-vous. Donc vous tous, c'est Dieu qui vous a créé. Bon, sauf les vrais, sauf ceux qui sont assis là. Bon, asseyez-vous maintenant. Vous voyez, même en vous faisant vous lever, vous asseoir, ça vous détend un peu. Ouais, depuis qu'on prêche là, depuis 3 heures, 4 personnes ne dorment. C'est bon, pas vrai? Maintenant, ceux qui croient que c'est Jésus qui les a créés, levez-vous. Donc, il y a certains personnes. Comment tu lèves la main? Non, il dit levez-vous. Si tu ne crois pas, soit c'est. Ok, okay, asseyez-vous. Ok. Mais pourquoi pour les deux personnes vous êtes levées? Parce que c'est la même personne. C'est ça que je vais vous montrer maintenant dans la Bible. C'est-à-dire que même si vous ne voyez pas dans la Bible, on a dit que jusqu'à Dieu, on a déjà vu ça. Puisque il faut qu'il soit créateur. Il n'y a pas deux créateurs. Je vais vous montrer que dans Genèse, on a lu Genèse tout à l'heure. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il faut que je vous montre dans notre partie de la Bible où on dit que c'est Jésus qui a créé. Et je vais vous montrer que lui-même il a dit que c'est lui qui a créé. D'accord. Il y a des attributs que Dieu a que personne ne peut l'avoir. Que même si tu donnes, tu ne peux pas prendre. L'omniscience, c'est uniquement possédé par Dieu. L'attribut d'être omniscient. C'est-à-dire de connaître tout au même moment. Sans besoin d'avoir appris quelque chose. Vous voulez ou pas, il y a des gens ici, si on dit que 1 plus 1, que fait 2 fois 2. Tu vois le gifler même 700 fois, il ne va pas retenir. Vous voyez ça? Donc c'est ces choses-là, il ne peut pas savoir. Il y a des gens qui ont fui le corps seulement à cause des calculs. C'est pas ça. Hein? Quand l'enseignement des mathématiques, comment il dit que le maître ici m'énerve? Alors c'est pas le maître qui l'énerve. C'est le calcul. Donc le calcul est net parce qu'il passe, sa tête ne peut pas comprendre. Donc pour connaître tout, il faut que tu sois Dieu. Vous comprenez cela? Dans la tradition musulmane, ils disent que Allah a 99 noms. Et tous ces noms sont égaux. Et ces 99 noms sont égaux. Donc ça veut dire que Allah est équivalent à quoi? À Noun. Il faut un calbe Noun. Ça veut dire quand vous appelez Al-Noun. Ton oui, Al-Noun. Et Allah. Allah, c'est équivalent. Gote. Ça veut dire qu'on peut appeler Allah Al-Noun en disant de la même personne. Gote. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc en disant, et là ils disent oui, qu'un homme ne peut pas avoir ces noms-là. C'est le nom glorieux de Dieu, c'est le plus beau nom, c'est lui. Allah. Et quand vous prenez tous ces noms-là, dans la tradition musulmane, c'est appliqué sur Jésus. Donc dans leur enseignement, dit Jésus n'est pas Dieu. Leur tradition dit Jésus est Dieu. Parce que la personne qui est la lumière se trouve dans la Bible être Jésus. C'est pas lui qui a dit ça. La personne qui est la vie, c'est Jésus. L'arbitre, c'est Jésus. Le puissant, c'est Jésus. Or, il suffit qu'il prenne seulement un. Et que Jésus ait été appelé comme ça, suffisant pour qu'il soit Allah. Parce que les noms sont équivalents. C'est la tradition musulmane. Donc, je peux enseigner à un musulman que leur Coran enseigne que Jésus est Dieu. Donc, quand ils disent, montre-moi dans la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu. J'ai dit qu'il va laisser la Bible. C'est dans le Coran qu'il va te montrer que Jésus est Dieu. Il dit oui. C'est là-bas. Parce que même si tu ouvres Jean, comme on a lu dans Jean là, qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle, il va maintenant dire, ok, qui a écrit ça? Pour essayer de discuter. Donc en clair, il dit, montre-moi. Même si tu montes, il va trouver une autre tournure. Donc mieux tu pars de chez eux. Parce que pour qu'il n'y ait plus d'excuses. Parce que la lumière, ça veut dire la lumière. Le roi des rois veut dire le roi des rois. Le guide veut dire le guide. Donc Jésus est le guide. Le chemin, la vérité, la vie éternelle. Et c'est ce que les musulmans enseignent. Donc ce Jésus-là, vous devez vraiment le connaître. Alors s'il est créateur, il faut qu'il soit tout puissant. Et s'il est tout puissant, il faut qu'il soit omniscient. S'il est omniscient, il faut qu'il soit omniprésent. Vous voyez, sommes-nous ici maintenant en présence du Seigneur Jésus? Sommes-nous en présence de sa présence? Qui croit que Jésus est ici maintenant? Ok. Ceux qui ne sont pas venus, là où ils sont en train de prier, qui croit que Jésus-Christ est là-bas? Et moi, En Chine, ceux qui sont en train d'appeler son nom, qui croit qu'il est là-bas? Moi, forcément, pour qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit Dieu. Est-ce qu'il a promis? Il a promis ça dans Matthieu 28. Et voici, je suis avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Il faut qu'il soit Dieu. Pour que je sois en annoncer la parole aussi. Il est avec moi. Quelqu'un de vous l'a prié là-bas. Il est avec lui. Quelqu'un de là-bas évoquer son nom. Il est avec lui. Au même moment. Un ange ne peut pas faire ça. Un être même ne peut pas faire ça. Même Satan ne peut pas faire ça. Dieu se possède de la croix, l'omniscience. Tu ne peux pas être omniscient sans être omnipotent. Tu ne peux pas être omnipotent sans être omniprésent. Donc omnipotence, omniprésence, omniscience, c'est le caractère intrinsèque lié seulement à Dieu. Mais la personne qu'on appelle Jésus le possède totalement. Et s'il a ce caractère, il faut qu'il soit le créateur. C'est ça qu'on va vérifier dans la Bible. Donc on a lu dans Genèse chapitre 1 que la Bible déclare que Dieu créa, parce que là-bas Dieu n'est pas le nom de Jésus. Il faut qu'on vérifie maintenant qui a effectivement créé. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Aaron Fasoloman. Vous avez oublié Matthieu chapitre 13. On y arrive. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Fasolo Aaron. Nous lisons le verset 15 et 16 comme il a dit. Il est. Colossiens chapitre 1. Il est l'image du Dieu invisible. Lis un peu à haute voix pour que les gens qui sont derrière entendent. Il est l'image du Dieu invisible. Oui. Le premier né de toute la création. Oui. Stop d'abord. On parle de qui ici? Qu'il est l'image de Dieu invisible. On parle de qui? Il faut qu'on comprenne avant d'avancer. Voilà, donc gardez à l'esprit. Chaque fois que vous posez la question. Oui. Car en lui ont été créées toutes choses. Stop. Lui s'est mis pour qui? Parce que tout à l'heure, on va encore revenir lui avec partout où il y a lui et il là. On met Jésus. Pour bien comprendre. En lui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. Les visibles oui. et les invisibles. Oui. Trône, oui. La mort de dignité, oui. Domination, oui. Autorité, oui. Tout a été créé par lui. Oui. Et pour lui. Donc les visibles et invisibles ont été créés par lui. Lui là qui? Et Kadi. Donc lisons encore ces mêmes phrases en remplaçant lui par Jésus. Et on comprend ce que ça dit. Commençons par verset 15. Ils ont remplacé par Jésus. Allons-y. Jésus est l'image du Dieu invisible. Oui. Oui. Le premier né de toute la création. Oui. Car en Jésus, oui. ont été créées toutes les choses oui. qui sont dans les cieux oui. et sur la terre. Oui. Les visibles oui. et les invisibles. Oui. Trône. Oui. Dignité, oui. domination, oui. autorité, oui. tout a été créé oui. par Jésus, oui. et pour Jésus. Appelez-le pour le Seigneur Jésus. Donc que vous voyez n'importe quoi, on ou bien que vous ne voyez pas, la Bible dit que qui l'a créé. C'est Jésus qui a créé. Donc en clair, la personne que vous, quand vous lisez Genèse, vous entendez au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Le renseignement qu'on a donné, c'est de lui dont on parle. Mais le problème, c'est que Jésus, c'est le nom qu'il est venu sur la terre pour prendre. Parce que quand il est venu sur la terre, il a pris ce nom. Parce que parmi nous, pour se distinguer, on prend des noms. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc, dans la Genèse, il n'a pas encore pris ce nom. On donne seulement le renseignement sur lui que lui, le Créateur, a créé. Donc, le Créateur, comme on a vu dans 1 Timothée, le Créateur a pris forme humaine. Il a pris donc ce nom. Donc, la Bible dit de façon spécifique que tout a été créé par qui? Par Jésus. En fait, ce n'est pas étranger. Vous lisez ça chaque fois, sans savoir. Dans Jean 1, on dit ça. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle, la parole, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. En elle était la lumière des hommes. Et en cette lumière-là se trouvait la vie des hommes. Cette lumière-là a lui, elle a lui parmi les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Elle est venue chez les siens. Donc finalement, la parole, et la parole était faite chair. Donc la parole qui était créateur a été faite chair, habité parmi les siens. Et on l'a rejeté. Donc depuis Jean 1, on parle de lui, de cette dépassion comme créateur. C'est pas ça? Allons l'entendre lui-même là-bas dans Jean chapitre 13. Vous y êtes? Jean chapitre 13. Non, Matthieu chapitre 13, pardon. Je vais te donner le verset, ne t'inquiète pas. Verset 24 d'abord. Écoutez bien. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, oui. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Qui connaît cette parabole? Vous avez ça dans votre Bible, non? Voilà, maintenant comprenons ce qu'il dit. Continue, mon frère. Mais pendant que les gens dormaient, oui. Son ennemi vint, oui. Sema de livrer parmi le blé. Et s'en alla. Oui. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, livré par aussi. Et aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de livrer? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non. Dit-il. J'agoro jabi wikai. Le peur qu'en arrachant, ono ita livré, ono ita kari chingriman. Vous ne déracinez en même temps le blé. On doit be gauro anfu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord livré. Et il y a là un gerbe. Pour la brûler. Mais amasser le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Bon. Qui connaît cette parabole? Vous avez là lu ça, n'est-ce pas? Bon, vous connaissez de quoi il en est parlé, n'est-ce pas? Ok. Il parle de quoi ici? La situation dont il en est donné en parabole là, ça s'est déroulé à quel événement, à quel moment? Oui, mon frère. Lorsque le Seigneur Jésus est venu dans son ministère, oui. Il a commencé son ministère. Oui. Non, je ne dis pas que la parabole, il a dit ça quand. Il dit que, n'est-ce pas, la parabole qu'il en est dit, ce qu'il en est dit, qui est conduit dans la parabole là, c'est un événement qui s'est passé quand? C'est une histoire qu'il a dit de raconter, non? L'histoire se déroule dans quelle période de l'histoire de l'humanité, de la création? Oui, merci. Oui, mon frère. L'histoire se déroule à notre ère. À notre ère? Donc, tu es sûr? Qui encore? Moi, Fahim. Vous êtes prêts à l'esprit de 105 ans, si vous me regardez seulement comme ça, vous attendez que l'autre réponde. Oui, mon frère. En ceci, l'histoire... L'histoire qui se pose ici, oui. C'est que dès lors où la parole de Dieu a été répandue sur terre, oui. Parmi cette bonne semence que Dieu a répandue, oui. Il y a aussi cette mauvaise semence qui soit semée par après. À partir de quel moment? Non, wakati toy, yake awre man wadi di fulo. Oui, là-bas, mon cher, merci. Oui. Au moins, c'est applaudissons pour lui. Amen. C'est pour... J'ai posé la question exprès. Parce qu'il faut qu'il soit sûr qu'on a de comprendre la même chose. En fait, c'est parmi les cinq paraboles qu'il y a ici, c'est la seule que Jésus va interpréter. C'est pour ça qu'il demande d'abord votre avis pour aller voir ce que Jésus va dire. Parce que si ce n'était pas interprété, vous devez me dire que sur quelle base il me base pour dire que c'est à la fin du monde, à la création du monde. Alors au verset 35. Lisons le verset 35 et 36 d'abord. Allons-y encore, mon frère. Écoutez bien. Écoutez. 35-36. Oui. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Donc, si je prends le verset 34, on dit qu'il ne l'est parlé point sans parabole, afin que ce qui s'accomplisse par le prophète. Oui. Le plan à partir du 34 pour qu'on comprenne ce qu'il a dit là-bas. Allons-y. Jésus dit à la foule, yes, toutes ces choses en parabole. Oui. Et il ne lui parlait point sans parabole. Voilà. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Oui. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Oui. Je publierai des choses cachées. Écoutez. Je publierai oui. des choses cachées oui. depuis la création du monde. Vous avez entendu ça? Hein? Donc quand Jésus parle dans les paraboles, il faut prêter attention. C'est quoi l'André dit dans le verset 34 que le prophète avait dit, ça se trouve dans le psaume 78, le verset 2. Psaume 78, verset 2. Et c'est le psaume d'Asaf. C'est le psaume d'Asaf, c'est Asaf qui a écrit ça. En disant qu'il va publier, il va donner les sentences. Mais aussi on dit que c'est Jésus qui parlait au travers de sa bouche. En disant qu'il devait venir codifier les choses. Donc Jésus va venir sur la terre, marcher, dire en parabole les choses qui sont passées à la création. Ça veut dire que clairement ici, la Bible en train de dire que dans votre Genèse, se trouvent des choses qui sont cachées. Et donc Jésus a donné l'explication, la lumière. C'est-à-dire que vous avez lu les choses dans la Genèse. Vous croyez que c'est une histoire simple. Mais il y a des choses qui sont là-bas que Jésus a révélées. Continuons dans la lecture. 36. Oui. Afin que s'accomplisse. Alors, il renvoya la foule. Mais là, écoutez très attentivement. Oui. Et entra dans la maison. Donc quand il a parlé ça, il y avait ses disciples, il y avait la foule. Il a donné des paraboles comme ça. Pas vrai? Après maintenant, il a dit maintenant la foule. Donc ceux qui sont venus écouter la parole, que partez. N'est-ce pas? Il rentre dans la maison. Avec ses disciples. Écoutons la suite de l'histoire. Ses disciples s'approchèrent de lui. Oui. Et dit, explique-nous la parole de livrer. La parabole. Explique-nous la parabole de livrée du chat. Voilà. Donc, il a donné en parabole, donc codé. Mais quand il s'est réservé ses disciples, il va donner l'explication de ce qu'il a codé que les foules n'ont pas entendu. Donc ceux qui ont entendu dans la foule et ils sont partis n'ont jamais compris quelle était l'explication. Mais pourtant, ce qu'il disait, c'était le secret de la création. Mais ses disciples disaient, les disciples ont compris. Parmi les cinq paraboles qu'il y a là-bas, il a donné, c'est seulement ça qui les inquiétait. Parce que ça nous concernait aujourd'hui. Continuons la lecture. Maintenant, vous vous souvenez de la parabole qu'on a lu au verset 24. Maintenant, il va donner l'explication que il va dire telle chose correspond à telle chose. Allons-y. 37. Oui. Il répondit, celui qui sème la bonne semence. Oui. C'est le fils de l'homme. Stop. Qui est le fils de l'homme? Vous avez vu cela? Donc il dit, celui qui sème La bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Oh, dans le verset du parable, de parable au verset 24, il avait dit qu'un homme avait semé de bonne semence dans son champ. Donc, Jésus peut parler son histoire. Tu crois que tu en as de comprendre alors qu'il a dit autre chose. Or, là-bas, il ne dit pas que Jésus avait semé son bonne semence. Pour toucher encore le problème du baptême tout à l'heure, là, que pourquoi il n'a pas dit directement que c'est de lui dont il est question. Et juste même dans l'interprétation, il ne dit pas que celui qui a semé la bonne semence, c'est moi. Il dit c'est le Fils de l'homme. Est-ce que quand il dit c'est le Fils de l'homme, c'est une autre personne? Qui est le Fils de l'homme? C'est lui. Mais il ne dit pas que celui qui sème la bonne semence, c'est moi. Il faut que vous compreniez bien le langage du Seigneur. Or, quand il dit le Fils de l'homme, quelqu'un qui est à côté pourrait croire qu'il parle d'une certaine personne qu'on appelle Fils. Le Fils de l'homme. Mais pourtant, c'est de Loïc dont il parle. Continuons. Le champ. Oui. C'est le monde. Stop. Donc, il a donné la personne qui sème. Ce qu'il sème. Le lieu où il sème. Il a dit celui qui sème la bonne semence. C'est le Fils de l'homme. Le champ. C'est le monde. Il faut qu'il nous dise maintenant ce que c'est que la bonne semence. Allons-y. La bonne semence. Oui. Ce sont les fils du royaume. Stop. On s'arrête d'abord là-bas. Il faut qu'on avale maintenant doucement. Dans votre esprit, vous croyez qu'il parlait de la parole qu'on prêche, non? N'est-ce pas? Bon, ici, ça, ce n'est pas la parabole de la semence. Ici, c'est la parabole des livrets des champs, du blé. Le blé est différent de la semence. La parabole de la semence est autre chose. Il va dire qu'un homme est sorti dans, pour se semer la bonne semence, la semence dans son champ. Pendant qu'il semait, une partie tomba sur la terre, en route, sur la terre pierreuse, dans les épines. Ça, c'est la parabole de la semence. Ici, il s'agit de la bonne semence. C'est une autre appellation. Dans la semence, c'est la parole. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ou bien les blés. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Je sais que vous saisissez. Donc ici, ce n'est pas la parabole de la semence. Alors, à quel moment? Non, laissons-le parler, parce qu'elle a dit le champ, c'est le monde. Continuons. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Stoppons là-bas. Maintenant, quand on dit l'ivraie, ce sont les fils du malin. Puis dit l'ennemi. L'ennemi qui l'a semé, oui, c'est le diable. Arrêtez-nous donc là-bas. Quand Jésus était sur la terre, c'est-à-dire quand il était physiquement sur la terre, quand il est né là. Avant lui, il n'y avait pas le mal sur la terre. Les gens se tuaient, se faisaient la guerre violente, non? Donc ça veut dire que cet événement ça ne peut pas être passé quand, à l'instant où il est venu sur la terre. Nous sommes d'accord? Parce que ce n'est pas quand Jésus est venu que l'ennemi a semé sa part de semence. Donc Jésus raconte l'histoire de. Jésus raconte l'histoire de la Genèse. Parce qu'on a dit là-bas qu'il devait ouvrir la bouche pour publier les choses cachées depuis la création. Or, qu'est-ce qui nous a amené ici? C'est qu'à la Genèse, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il va créer les plantes et les luminaires, ainsi de suite. Mais ici, il explique quelque chose qui s'est passé dans le commencement. Mais il dit maintenant que celui qui a semé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc il vient d'affirmer qu'il est le non, celui qui a dans la genre, on appelle quoi? Le créateur. C'est pas ça, frère. Et il explique qu'à la Genèse, quelque chose s'est passé. Dieu s'est même pas été semé là-bas. Le désordre a commencé depuis la Genèse pour s'étendre dans la création. Donc, comme il a s'aligné sur la terre, ainsi a s'aligné, Satan aussi a s'aligné sur la terre. Et on est mêlé comme ça. On voit chaque être humain physiquement comme ça. L'un est de Dieu, l'autre n'est pas de Dieu. Amen. Mais nous avons tous le voile de la chair. Mais tous ne sont pas de Dieu. C'est pour ça que vous montez, vous descendez. Même si c'est prêché comme ça, c'est prêché pour les fils du royaume. Pour qu'ils entrent et que le jugement soit proclamé sur les autres. Vous avez compris le plan de l'évangile, n'est-ce pas? Veille-toi ça, mon frère. Alors, Genèse dit que c'est Dieu qui est le créateur. Et là, ton Dieu lui a dit nous allons nous tago. Colossiens dit que c'est Jésus qui est le créateur. Et Colossiens vous lui a dit Allah Allah Almighty. Jean chapitre 1 dit que Jésus Christ qui est la parole est le créateur. Johanna a dit Aaron façon lui. Matthieu 13 dit Jésus Christ dit que c'est lui qui est le créateur. Et quand il m'a sapoté tu vois oui quand on est tago enfin. Vous avez vu cela? On a dit dans la question maintenant qui rejoint notre question qu'on a posée depuis le départ. C'est dans ces cas. On a déjà vu que Jésus était le Fils. Yes, on a dit dans notre bani. N'est-ce pas? Nabani. Qu'il est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et que c'est lui Dieu. Ça veut dire la possibilité de trois personnes est déjà établie. Ça veut dire c'est déjà écarté que ce n'est pas trois personnes. Nous sommes d'accord. Parce qu'on a vu que c'est lui qui est l'Esprit. C'est lui qui est le Créateur. Donc il n'y a pas le Créateur seul. Le Fils seul. L'Esprit seul. N'est-ce pas? Si on revient dedans, faisons l'homme à notre image. Il faut encore répondre à la question. Dans ce cas, s'il n'y a pas trois personnes, le Créateur s'adresse donc à qui? Il parle donc à qui? Ou mieux il parle donc avec qui en disant faisons. Vous voyez que pour répondre à cette question, si ce n'est pas simple, il faut que je vous contourne dans la parole comme ça pour y revenir. Parce qu'en réalité, il vous a dit qu'en toile de fond se trouvait la doctrine de la Trinité. Que Dieu le Père s'adressait à Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ça qui se trouve derrière. C'est ça, c'est pour ça qu'il fallait que j'écarte d'abord tout ça avec la parole de Dieu. Donc c'est déjà établi que le Fils, un Fils nous est né. Il s'appellera Père éternel. Donc ce Fils est Père éternel. Donc il n'y a pas le Fils qui est Père éternel et notre Père éternel seul. Il n'y a pas deux Pères éternels. Et le Fils qui est le Seigneur est Esprit. Et il n'y a pas deux S, Esprit. Donc, et cet Esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est la personne qu'on appelle le Père. Parce que si vous lisez Matthieu chapitre 1, verset 18, l'ancien André, il est différent. Salut Matthieu, mon père. Tu es mon père. Parce que, en réalité, oui. Nous sommes d'accord. Oui. Moi, je crois que Jésus est Dieu. Amen. Jésus est l'Esprit. Amen. Ça, c'est quoi ça? Amen. Merci. Je continue donc maintenant. Alors. Merci. Alors, monsieur, je continue. Écoutez très attentivement. Alors, si vous lisez Matthieu chapitre 1, à la naissance de Jésus, il y a un problème. Si vous lisez la naissance de Jésus vraiment, et que vous lisez ses appellations dans le livre des gens et autres, là, vous allez voir qu'il y a un problème. Si ces choses ne sont pas amenées en harmonie, dans Matthieu chapitre 1, verset 18, on dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, qui était fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble. C'est-à-dire, Marie n'avait pas connu, Joseph n'avait pas connu Marie. Ils ne savaient pas encore aller ensemble. Marie est tombée enceinte. Mais on dit par la puissance du Saint-Esprit. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph. Son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Je suis en train de citer Matthieu là. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pendant qu'il y pensait, un ange du Seigneur lui apparaît en son et dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc normalement, le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bah, c'est ce qui est dit là. Et la Bible déclare que c'est le Père qui l'a engendré. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui est son Père. Vous savez ça, n'est-ce pas? Et ici, dans la Bible maintenant, vous voulez parler que il veut continuer. OK. Non, même si la poule verse, on dit que toute la création a loué le Seigneur. Laissez-le entrer là-bas. Donc la Bible déclare que il a été engendré du Saint-Esprit. Mais quand il grandit, il commence à parler le Père. Il ne l'a jamais appelé Saint-Esprit. Donc le Père qu'il parle là, il s'agit de l'Esprit. N'est-ce pas, frère? Donc, c'est le cas, il dit que le Père qui m'a envoyé. Mon Père, vous ne connaissez pas mon Père. Il parle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est son Père. Mais si le Saint-Esprit, c'est son Père, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, donc le Père et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Et on a trouvé que le Fils, c'est la même personne. Donc le baptême, c'est au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas trois par catégorie. Donc on avance maintenant, c'est encore pas avant qu'on ait tiré encore ici. Saluez-vous les uns les autres encore, dites que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on continue. On continue, d'accord. Voilà. On continue. On continue. On peut avancer. Voilà, donc revenons maintenant et répondons finalement à la question. On avance. On avance, n'est-ce pas? Ok. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, normalement, regardez-moi ici, c'est amusant. Si vous avez compris tout cela, parce qu'on avait éloigné le Père, éloigné le Fils, éloigné le Saint-Esprit. Donc on avait mis Jésus là-bas, éloigné le Père là-bas, éloigné le Fils là-bas. Jésus allait dans la Bible, on les a réunis, on a poussé dans Jésus. Réunis, poussé dans Jésus. On a vu qu'en fin de compte, le Père, le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus. Donc si on pousse ça comme ça, on met dans Matthieu 28, il va dire baptiser en mon nom. C'est ce que ça veut dire. Donc, Genèse chapitre 1, donc verset 26. Si donc, il n'y a pas Dieu le Père seul, Dieu le Fils seul, Dieu le Saint-Esprit seul, et que c'est la même personne. Ok, cette personne qui est créateur qu'on a vu ici, que le Fils de l'homme a créé, a déposé dans le jardin. Cette personne qui parle dedans, parle à qui? C'est la question maintenant. Parce qu'il savait quand on disait faisons, on croyait que c'est le Père qui parlait au Fils, ou bien qui parlait au Saint-Esprit. Mais on a vu que non, ils ne se parlent pas, ils ne sont pas fous. D'accord. Parce qu'il dit que la lumière soit, c'est une personne qui passe, une voix qui sort. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, qui dit que la lumière soit? C'est établi que c'est Jésus. Dans ce cas, qui dit créons l'homme à l'ordre de l'image? C'est établi que c'est lui. Parce qu'il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a pas une fois personne à la création. Quand il crée, il était seul. Au commencement, c'était lui. N'est-ce pas? Et la parole était avec lui. Parce que la parole, c'est une pensée manifestée. S'il n'a pas manifesté la pensée, c'était avec lui. Donc, tant qu'il ne parle pas, il n'y a pas de création. Quand il dit, la chose s'accomplit. C'est pour ça qu'il a la parole manifestée. Quand vous avez une pensée, vous la manifestez, ça devient la parole. Ça sort de vous. C'est pour ça qu'il est la parole. C'est pas qu'il est l'Écriture. Ou déchire la Bible là où ça ne déchire pas Jésus. C'est sa pensée qui est projetée. Et il a communiqué pour que vous compreniez ce qu'il a dit. C'est ça qu'on appelle la parole. Ce n'est pas que au commencement il était la parole. On écrit comme ça que c'est ça. C'est ça qu'on parle que c'est lui là-bas. Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Bon, maintenant. Donc, faisons l'homme à notre image. Donc, c'est, maintenant, c'est établi sur à 100% que ce n'est pas le Fils qui a parlé au Père ou au Saint-Esprit. C'est déjà établi. Ça, c'est débroussé, n'est-ce pas? La question maintenant, c'est qui parle? Ça, c'est le Créateur. Il parle à qui? C'est ça qu'il veut établir dans la Bible. Au préalable, il fallait qu'il ait mis la doctrine de Trinité d'abord rapidement. Notez notez 1 Roi chapitre 22. Votre Bible est parfaite. Parfaitement parfaite. Sans ambiguïté doctrinale. 1 Roi chapitre 22. J'ai dit noter. Vous avez noté? Notez Isaïe chapitre 6. Vous notez le livre de Job. Job chapitre 36, 37. Ainsi de suite. Et Diego. Dans le livre de Job, quand vous allez voir quand Dieu va venir questionner, Dieu va venir questionner Job. Donc vous prenez le livre de Job. Vous commencez à lire du chapitre 36 jusqu'au dernier chapitre. Quand Dieu va venir créer, quand Dieu va entrer en contestation avec Job, dans le livre de Job, ils ont dit parce qu'il veut seulement citer l'autre là pour avancer. Ce qu'on va lire, c'est 1 Samuel, 1 Roi, chapitre 22, Isaïe, chapitre 6. Quand Dieu va venir en contestation avec Job, il dit que tiens-toi donc debout si tu es sage. Je vais t'interroger, tu vas me répondre. Il dit que où étais-tu quand j'ai créé le ciel et la terre? Dis-le si tu le sais. Il dit que quand il crée ces choses et que les fils de Dieu battaient les mains. Qui sont les fils de Dieu qui applaudissaient quand Dieu créait? Dites-moi. Il dit dans ce livre de Job, il pose la question à Job que quand il était créé, tu étais où? Comme tu es trop sage là. Quand il avait mis la fondation de la terre et haut là-bas, tu étais où? Et donc il dit que quand il mettait cette fondation là, les fils de Dieu battaient les mains, ils applaudissaient par rapport à quand ils voyaient la création. Doucement, doucement, ne la tape pas. Doucement, doucement. Ou bien, et puis alléluia, c'est ça, hein? C'est alléluia là, non? Alors maintenant, quand il dit le fils de Dieu battait les mains, il parle de qui? Oui. Pour ma part, ici, quand nous disons dans le livre de Job 1, oui. La Bible parle ici des fils de Dieu, oui. Qui étaient des anges. Oui. Donc, pour moi, les fils de Dieu ici étaient des anges. Donc, ça y représente dans les anges, oui. qui participaient à la création, ils voyaient comment Dieu faisait, n'est-ce pas? Voilà. Alors maintenant, dans le livre d'Isaïe, chapitre 6, l'année de la mort du roi Ozias. Nous allons lire verset 1 au verset 8, d'accord? Gardez le doigt dans 1 Roi chapitre 22. Allons-y, mon cher. Ésaïe chapitre 6. Oui. Premier verset. Oui. Il y a du verset 1 jusqu'au verset 8, mais je vais te stopper. Okay. L'année de la mort. L'année de la mort du roi Ozias. Oui. Je vis le Seigneur assis sur. Ah, il t'en est cadé, moi, il est cadé. Ozias. Oui. Au large, je me rends au jour de la mort de Mako. Stoppons là-bas. Vous avez vu quelque chose? On dit où? Esaïe dit ici que l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Or, le Nouveau Testament, on a cité ça, dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais là, il dit clairement qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Continuons. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, le Seigneur avait porté quoi? Opo, c'était ça versait partout. N'est-ce pas? Continuons. Des séraphins. Se tenaient au-dessus de lui. Oui. Il avait chacun 6 ailes. Oui, donc chaque séraphin avait les ailes. Deux dents se couvraient. Dedans il se couvrait. Et la face. Oui. Dedans il se couvrait les pieds. Oui. Et dedans il se servait pour voler. Oui. Il criait l'un à l'autre et disait: Saint, Saint, Saint. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est trois fois. Parce qu'on l'a appelé ici trois fois. Ça veut pas dire qu'il est trinitaire. Continuons. Toute la terre est pleine de sa gloire. Oui. Les portes d'Amoudé furent ébranlées dans leur fondement. Oui. Par la voix qui retentissait. Et la maison se remplissait de fumée. Oui. Alors je dis, malheur à moi. Oui. Je suis perdu. Mais m'a dit. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Oui. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Oui. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Stoppons là-bas. Esaïe a vu ou bien il n'a pas vu? Et donc, dans ce cas, pourquoi Jésus dit que personne n'a jamais vu Dieu? Vous voyez que moi, je peux vous attaquer avec les questions, n'est-ce pas? C'est dans ce livre-là que Jésus va venir lire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit que ce que Isaïe a dit est faux. Parce que c'est une autre dimension ici. Donc il dit clairement qu'il est un homme. Ses lèvres sont impudentes, c'est un menteur. Il habite au milieu des menteurs. Et dans cet état-là, il a osé voir Dieu. C'est qu'il est fini. Donc vous voyez effectivement que pour s'approcher, il faut être saint. Parce qu'il est trois fois saint là. Et lui se trouve étant impur. Donc il savait que là, il devait mourir. Parce qu'il l'a vu. Il avait dit le roi des rois. Et nous savons que le roi des rois, c'est Jésus. Vous voyez? Puis il dit l'éternel des armées. Continuons. L'un des séraphins. L'un des séraphins vola vers moi. Oui. Tenant à la main une pierre qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et dit, oui. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité t'est enlevée. Et ton péché t'est expié. J'entendis la voix du Seigneur. Stoppons maintenant là-bas. Écoutez bien maintenant. Je vous pose d'abord la question. Sur toute votre attention. J'ai pris la vision depuis le début pour qu'on puisse bien saisir. Qui parle dans cette vision-ci d'abord? Moi, on voit le cas d'une roi. Qui a de nous écrit la vision? Esaïe, qui est un homme comme toi et moi? N'est-ce pas? On le met de côté. Donc, nous considérons que voici Esaïe. En dehors d'Esaïe, dans cette présence, il y a qui? Il y a qui? Il y a? Tu as vu un ange là-bas, frère? Dieu a vu la voix de Dieu, la vie de Dieu. Esaïe a vu qui? Non, je voudrais que nous décrivons la scène. Pour que nous voyons les différentes personnes. Voilà, donc il y a Esaïe. N'est-ce pas? Oui. Il y a, bon, comme le père est en robe, viens pas ici là. Donc, voici Esaïe. On va le prendre. Voici celui que Esaïe voit. En dehors de ça, dans la vision, on décrit encore qui? Des séraphins. N'est-ce pas? Donc, si on exclut l'être humain dans cette vision, il y a qui? Dieu et les séraphins. Pourquoi vous avez peur de parler? Je veux qu'on comprenne pour que j'avance. Donc, si on exclut l'être humain dans cette vision, il y a Dieu, Allah et les anges. C'est bien pour qu'on puisse, je puisse poser la question qui arrive là-dedans. Voilà. Maintenant, lis la suite. Il toucha ma bouche. Non, on a la liste là, la suite. J'entendis la voix du Seigneur disant. Écoutez bien attentivement. Écoutez attentivement. Qui enverrai-je? Un. Moi, Minata. Et qui marchera pour nous. Amen. Amen. Entourez-nous. Je réponds. Non, c'est vrai. En fait, le problème, ça va maintenant. Assieds-toi, c'est bon. Allah m'entraide, Anton. Alors, on se retrouve dans le même problème de Genèse. N'est-ce pas, les frères? Nous trouvons dans le même problème de Genèse. Sauf que dans Genèse, on parlait de façon directe. Faisons, on ne savait pas. Mais ici, ce même langage est employé, mais on connaît la description de la scène. Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit si je prenais ce téléphone-ci et que ça est en train d'être enregistré. Tout à l'heure, j'ai dit prenons 5 minutes de pause. C'est, ça a été enregistré dans votre téléphone. Vous sortez avec, vous mettez à quelqu'un qui n'était pas ici. Il entend, je dis prenons 5 minutes de pause. Le renseignement qu'il a à cet instant, c'est que cette personne c'est en train de parler et en présence de au moins 10 personnes. C'est ça, non? Mais là, s'il écoute encore dans un autre enseignement, où je dis, vous tous, vous étiez au nombre de 150. Ajoutez à ça, il saura maintenant à qui j'étais en train de parler. C'est pas vrai, frère? Voilà. Alors, le péché et l'iniquité d'Esaïe sont expiés. Il entend la voix du Seigneur. Cette même voix qu'il a parlé dans la Genèse. Que faisons l'homme à notre image? Cette même voix lui dit, qui enverrai-je? Ça, c'est au plus au singulier. Donc qui envoie les prophètes? Qui est-ce qui envoie les prophètes? C'est Dieu qui envoie les prophètes. Maintenant, dans la suite de sa phrase, il dit qui marche? C'est une autre question qu'il a posée toujours. Il ne dit plus qui marchera pour moi. Mais il dit qui marchera pour nous. Alors le problème du pluriel du Genèse se repose ici. Mais maintenant plus éclairci. N'est-ce pas, frère? Alors maintenant, la question c'est, quand il dit, qui marchera pour nous? Nous là, est mis pour qui? Là, dedans. Parce que la suite dit, Esaïe dit, je répondrai, mais voici Seigneur, envoie-moi. Donc Esaïe est celui qui va marcher pour eux. N'est-ce pas, frère? C'est pour ça qu'il dit qu'on exclut l'être humain dedans. Parce qu'il va marcher pour eux. Qui sont ces eux-là? Dieu et ses séraphins. Applaudissez pour vous-même maintenant. Voilà. Donc, si vous les mettez ensemble, et on va aller encore dans notre passage. On va encore aller dans un roi chapitre 22. Si vous prenez Genèse, vous mettez ensemble. Avec ce qu'on vient de lire, vous mettez ensemble. Et avec Job que j'ai cité, vous voyez qu'à la création, avant qu'on ait créé l'homme, les anges étaient là pour contempler. N'est-ce pas? Et chaque fois, donc, souvent, Dieu se réunit avec la cohorte céleste. Il tient conseil. Même pour donner la loi de Moïse, il y a eu une assemblée comme ça avec les anges. Pour que la loi soit donnée là-bas sur la montagne. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Le moment de la prédication devait s'arrêter là. Donc en aucun cas le nous de la Bible ne parle de la Trinité. Il n'y a pas un verset qui peut se tenir. Que Dieu le Père peut entendre parler, Dieu le Saint-Esprit entendre parler. Non, il n'y a pas ces choses dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu c'est le Créateur. Et ce Dieu s'est manifesté sur la terre pour venir parmi nous. Emmanuel. Emmanuel. Dans le livre de Jean, chapitre 3, il a dit à Nicodème, il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Il dit le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel, l'a fait connaître. Parlant à Nicodème face à face, qui est le Fils de l'homme? C'est qui le Fils de l'homme? Alors il parle, il est où là? Mais il ne dit pas que le Fils de l'homme qui est devant toi l'a fait connaître. Mais le verset dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il ne dit pas le Fils de l'homme qui était dans le ciel. Ni le Fils de l'homme qui sera dans le ciel. Mais le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors il parle à cette présence-là. Il se trouve là-bas, n'est-ce pas? Physiquement, mais il dit qu'il est dans le ciel. Ça peut choquer, tourner la tête 360 degrés, mais c'est quand même la vérité. Donc, quand il était comme ça, si moi, le Seigneur de Marie, Marie fait toi! Il fait toi! Il fait toi! Il est quand même créateur. C'est pour ça qu'on a dit mystère de la piété. Dieu s'est fait chair. On y va? Donc, ici, dans le livre d'Esaïe, chapitre 6, quand il dit « nous », il est là avec les gens qui sont venus dans la vision avec Esaïe, pour voir Esaïe. Vous ne verrez jamais Dieu s'est manifesté quelque part et parler de « nous » quand il n'y a personne à côté de lui. Vous savez, n'est-ce pas? Dans le livre de Genèse, chapitre 18, la Bible déclare à partir du verset 1 que un soir là, Abraham était sous la chaîne de Mamré. Alors qu'il faisait soleil, il a vu trois hommes venir vers lui. Ils étaient trois. Il a couru vers l'un d'eux, s'est prosterné. Il dit Seigneur, ne passe pas. Seigneur, ne passe pas. Mais ils étaient trois. Ils étaient trois. Il n'a pas dit mais Seigneur. Il a appelé un parmi eux le Seigneur. Ne passe pas près de ton serviteur. Au singulier. Vous voyez? Mais il est venu avec deux personnes. Mais dans le cas, les deux personnes, on dit les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Donc, il a envoyé les deux hommes à Sodome. Il est resté avec Abraham. Vous voyez, il dit à Abraham maintenant, écoutez bien, il dit à Abraham, est-ce qu'il veut cacher quelque chose à Abraham? Il va devenir une grande nation, il veut lui dévoiler mes secrets. Abraham, le péché de ce peuple-ci, le prix est venu vers moi, et je suis descendu pour voir si ce qu'il m'a dit, les nouvelles qui me parviennent sont justes. Mais est-ce que Dieu a besoin de te déplacer pour savoir si c'est juste ou pas? C'est ce qu'on lui dit. Dieu a besoin d'un renseignement. Il dit, je peux vous poser les questions. Alors regardez bien, quand il est en train de causer à Abraham, il dit je suis descendu. Il ne dit pas que nous sommes descendus. Parce que là où il parle, il est seul. S'il parlait ses paroles et qu'il y avait les deux, il devait dire nous sommes descendus. Parce qu'il n'est pas descendu seul. Je suis descendu parce qu'il est là seul avec lui. Parce que les deux étaient allés à Sodome. Amen. 1 Roi chapitre 22. Bon, l'histoire est longue. Je vais expliquer l'histoire jusqu'à un certain niveau, d'accord? Dans cette histoire, il y a des personnages qui sont clés. Il y a le prophète Élie qui a donné certaines prophéties. Il y a un monsieur qu'on appelle Akab. Il y a une femme qu'on appelle Jézabel. Il y a un monsieur qu'on appelle Josaphat. Il y a une ville qu'on appelle Ramoth en Galate. Et il y a un célèbre monsieur qui est bizarre. Un prophète qu'on hait. On l'appelle Miché, fils de Jimla. On le déteste. En ce temps, le royaume d'Israël est divisé en deux. Si vous, allez, si vous lisez 1 Samuel chapitre 1, roi chapitre 11, quand Salomon va mourir, Dieu va déchirer le royaume, mais laisser deux royaumes au fils de David. Au sud, le royaume de Juda. Au sud et au nord, 10 tribus. 10 tribus du peuple. Oui, 10 tribus, parce qu'Israël est formé de 12 tribus. Il divise en deux. 2 tribus se trouvent à David. Et 10 se trouvent au nord. Et en vos capitales, Samarie. Et là-bas, chaque fois, vous allez me dire comme ça. Vous allez comme ça lire la Bible. On parle du royaume de Juda. Et du royaume d'Israël. Mais pourtant, c'est un pays. C'est les 10 qu'on appelle désormais Israël. Et les 2 du bas, on appelle le royaume de Juda. Donc un pays qui était subitement un a été divisé par Dieu. Et chacun de ces territoires a son Dieu, a son roi. Donc au nord, on se trouve 10 pays. Donc 10 tribus qui constituent ce royaume. Et le premier roi, c'est Jéroboam. En bas, le premier roi aussi. Ici, c'est Roboam. Vous y êtes? Le royaume va continuer comme ça. Il y aura les mauvais rois en haut, les bons rois de temps en temps en bas. Jusqu'à ce qu'au nord, un monsieur sort là-bas qu'on appelle Akab. Épouse une femme qu'on appelle Jézabel. Si vous lisez depuis le chapitre 16, le prophète il avait prophétisé sur eux. Parce que cette femme l'avait fait tuer tous les prophètes de Dieu, saccager les lieux, installer les cultes idolâtres en Israël. Et Dieu avait prophétisé contre la mort de cet homme. Et en bas se trouvait Josaphat, qui craignait un peu Dieu. Ils avaient encore la crainte de Dieu. Mais il y a un territoire qui leur est commun. Ramoth en Galate. Un jour, le roi d'Israël reçoit donc la visite de Josaphat. Après, il lui dit, mais nous sommes frères. Donc comment faire une visite présidentielle, n'est-ce pas? Comme si le président du Tchad venait au Cameroun en visite d'amitié. Et pendant qu'ils sont, quand ils sont assis, le président du Cameroun dit par exemple, tu sais que la zone de l'arc Tchad nous appartient en commun. Mais depuis, c'est contrôlé par le Boko Haram. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne prends un exemple pour comprendre ce qui se passe là-bas. Il dit, montons ensemble pour aller prendre ce territoire. Que je combats à côté de toi, ton ami combat à côté de l'ami. On prend ce territoire. Josaphat a dit, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Il dit, ok, si c'est comme ça, cherchons la volonté de Dieu. Akab a dit que, ici, j'ai une panoplie de codes de théologie qui forment des prophètes. Appelons-les. Quand ils sont venus là-bas, chacun avait son col blanc, avec les cordes prophétiques. Ah, Mof Midé. Ils ont parlé en langue. Dis ainsi parle l'Éternel. Monte arabe en Galate. Avec ces cordes-ci, tu vas frapper grand en Galate. Josaphat, qui connaissait la façon de Dieu de parler, a regardé que tous les prophètes disent la même chose. Il a dit, et je doute le Dieu qui répond facilement comme ça. Il lui a posé la question. Mais il n'y a plus une autre personne qui peut parler, demander Dieu. Le roi s'est tourné, dit, oh, tu diras. Il y a un autre là. Oh, par qui on peut consulter Dieu. C'est Michel, fils d'Injim là. Lui, je le hais. Il ne dit jamais rien de bon. Quand il vient chez toi pour prophétiser, il dit seulement ce que tu ne veux pas entendre. Ah, Joseph a dit que le roi ne parle pas ainsi. Envoie-le l'appeler. Il était là comme ça. Donc normalement, les 400 ou 700 prophètes qui étaient là, qui avaient prophétisé, étaient suffisants pour un homme de parler. Parce que tous disaient de façon claire, monte, tu vas recevoir. Mais il ne disait pas ainsi par Satan. Il disait ainsi par l'Éternel. Donc il disait que c'était Dieu qui parlait au travers d'eux. Alors, on envoie quelqu'un aller chercher Michel. Il est sorti avec son habit bizarre. Un pour côté de babouche était jaune, l'autre était blanc. Il vient comme ça avec sa gandoura déchirée. Il n'est même pas digne de se recevoir devant le roi. Celui qui l'a appelé, lui a dit, mon gars, depuis tu tiens ferme dans ta vérité, ton ministère ne prospère même pas. On ne vend pas la gloire de Dieu sur toi. Regarde les prophètes comme sont là-bas. Les gars sont frais. Ils ont les pointinini avec les vestes. Parce qu'ils parlent du bien au roi. Dis-lui ce qu'il veut entendre. On a convenu que le roi doit monter. Tu as fait comme eux. On va te donner la promotion en société. On va te donner un poste d'ancien d'église. D'accord. Il dit ok, l'éternel est vivant. Là, je vais avoir là-bas. Je vais dire ce qu'il a dit. Amen. Amen. Voilà le vrai. D'accord. C'est-à-dire qu'il dit, même si vous le maltraitez, même si vous n'avez pas à manger, mais qu'il dit ce que Dieu a dit. Il a foncé là-bas. Le roi Akab ne le regardait même pas. Et là, il dit ok, le va consulter. Monsieur. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le roi. Bon, Ramon en Galate, on doit monter, oui ou non. Il dit monte, tu auras la victoire. Akab s'est tourné comme ça, le regardait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si Monsieur dit quelque chose, que ceci on dit. C'est que quelque chose ne va pas. Il lui dit, Miché. Oui, Miché. Depuis que j'étais tué, dit que tu me dis la vérité. Oui, la personne qui dit qu'on dit la vérité, dit qu'il le hait. Oui, oui, il a mon bon. Parce qu'il lui dit toujours quelque chose qu'il n'aime pas. Mais là, il lui disait ce qu'il voulait entendre. Il savait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il disait la même chose. Il lui dit, la vérité. Alors, Michel lui dit, la vérité. C'est cette vérité-là qu'il faut qu'on parle. Parce qu'en réalité, ce que Michel lui disait, c'est ce qu'il voulait entendre. Lui, il a compris que ce n'est pas la vérité. Verset 20. Je vous ai raconté l'histoire, vous avez oublié la Bible, mes frères. 1 Roi, chapitre 22. Verset 20, allons-y. Verset 20. Oui. Et l'Éternel dit. Oui. Remontez un peu à partir du verset 18 en haut. Parce qu'il a insisté l'Éternel. Verset 18. Oui. Le roi d'Israël dit à Josaphat. Et là, mais Israël vient de Josaphat. Oui. Ne te l'ai-je pas dit. Voilà, donc quand il a pas prophétisé. Ouais, le roi Akab a dit que je t'avais dit non, qu'il ne dit rien de bon. Rentrons jusqu'au verset 15, mais prenons la partie du verset 15 pour qu'on bien comprendre l'histoire. Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, oui. Le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galate? Où devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, Yahou. Tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et kadi, Jomirao kadi taman atugo kadi lamiro kadi jala konen mako. Et le roi lui dit. Lamiro wimo. Combien de fois me faudra-t-il? De noi kadi. Te faire jurer de me. De noi kadi taman la yemo kama. Gam awi ami gonga miyomo de noi. Miyomo de noi kadi be inde Allah kadi awola mi gonga. Michel répondit, Michel Jabifoyin, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Donc là, il lui donne la vraie version de la vision, n'est-ce pas? Oui, continuons maintenant. Comme des brebis Banabali. Qui n'ont point de berger. Banabali, Banabali. Et l'Éternel dit, Jomiraoui. Ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Moi, pas le roi de Salaman Hassan Mako. Le roi d'Israël dit à Josaphat. Et l'ami d'Israël a vu à Josaphat. Ne te l'ai-je pas dit? Lui, aïe, mana. Il ne prophétise sur moi rien de bon. Vous avez entendu, non? Donc, elle a donné la vraie version de la prophétie de Dieu. Il dit qu'il t'avait dit l'affaire avant que je n'appelle, non? Non, oui, oui, en tout cas, ceci dit que je monte, je vais gagner. Le voilà, il dit que si il monte, on va me disperser. Les gens vont rentrer, je ne dois pas rentrer. Parce qu'on dit que ces gens n'ont point de maître. Donc ça dit que quand ils sont montés, on a tué les maîtres. Il comprend que sa mort là est prophétisée. Il dit, il t'avait dit que celui-ci ne prononce jamais rien de bon sur moi. Maintenant, continuons la suite de vision. Il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, Michel, oui. Écoute dans la parole de l'Éternel. Maintenant, soyez attentifs maintenant, vous tous. Souvenez-vous de la question qui est posée ici. Du développement qu'on en a fait jusqu'au point de chute dans Ésaïe chapitre 6. Et la conclusion qu'on en est sortie. Je voulais établir cela que dans la Bible, c'est comme ça. Maintenant, écoutez bien maintenant. J'ai vu l'Éternel. Une fois de plus, écoutez. Il a vu l'Éternel. Donc il a encore une autre vision. Comme le prophète Ésaïe a aussi eu une vision. N'est-ce pas? J'ai vu l'Éternel. Allons-y. Assis sur son trône. Oui. Et toute l'armée des cieux s'étenant auprès de lui. Oui. À sa droite. À sa gauche. Oui. Et l'Éternel dit. Oui. Qui séduira Akab? Oui. Et moi, Kaliata Esther Akab. pour qu'il monte à Ramoth en Galate. Oui, stoppons là-bas. Assieds-toi là-bas, mon frère. Donc, une fois de plus, Michée se tenait là en tant qu'homme. Quand il voit la scène, qui sont ceux qu'il voit? Oui, mon frère. Ces anges. Maintenant, remarquez qu'on n'a pas dit il a vu les dieux assis. Il a dit qu'il a vu un trône. Il était né assis sur ce trône. Il n'a pas dit que beaucoup de dieux appuyaient sur ce trône. Donc il a vu un dieu à gauche et à droite les anges. Donc voilà sa description. Donc voyez qu'il y a les événements pour que les événements arrivent sur la terre. Dieu se réunit avec ses anges. Et donc quand Dieu donc pose la question à cette assemblée, qui se dira à cap pour qu'il monte à Galate? À qui pose-t-il la question dans cette assemblée? À qui s'est-il posé la question? Aux anges, naturellement. Donc voilà comment les cieux se réunissent. Parce que c'est un individu qui est censé aller séduire. Si vous voulez conduire sur n'importe quoi, il devait dire qu'il va même partir pour nous, pour représenter le royaume des cieux là-bas. C'est bien compris, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse, vous avez compris. Donc créons l'homme à notre image, Dieu s'adresse aux anges. Ce n'est pas étonnant. Parce que dans Matthieu 22, quand on lui a posé la question, qu'à la résurrection, la femme là qui est morte, après avoir connu sur la terre cet homme, duquel mari sera-t-elle femme? Jésus-Christ a dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme. Parce qu'ils seront comme les anges. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez encore 2 minutes, ils vont revenir.